Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Oui. Ah, bonjour, putain, bonsoir et bienvenue. Est-ce qu'il faut énormément d'émotions? Oui, ouais, ouais, tout dès le début. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis entouré d'invités plus que d'habitude. Donc pas comme à l'accoutumée finalement. Donc l'inverse de l'accoutumée. Tout de suite le grain de sable. Ma première invitée est photographe, graphiste et illustratrice. On a pu voir ses dessins entre autres dans le petit manuel de Sex Education qui a été livré à 75 000 exemplaires. Au sein de cette bonne auberge, elle est Mina, c'est Lisa Villaret. Oui. Merci. Photographe, par contre, j'ignorais. Tu fais des photos beaucoup? Pas du tout de métier? Insta. Pas du tout. Sur Insta, j'en ai vu. Photographe de passion. Photographe Insta. C'est un hobby. C'est un oui. hobby. Autrice et dessinatrice de BD vendues dans le monde entier. Elle a adapté Roald Dahl récemment, ce qui lui fait un point commun avec Tim Burton, Wes Anderson et Steven Spielberg. Dans la bonne auberge, elle s'appelle Corbe, c'est Pénélope Bagieu. Oui, ça, c'est vraiment oui une très bonne intro, ça. Ouais. J'ai pas l'impression. Je m'en jette, je vais pas passer après. Je suis désolé, Max. Ouais, Comédien et musicien avec son groupe Knuckle Down, il a par ailleurs signé la musique de la bonne auberge. On peut le voir officier sur Twitch et dans la bonne auberge, il s'appelle Dithmir. Pardon, c'est Max Mammouth. Oui. Oui. Auteur, réalisateur et comédien, il est l'homme à qui l'on doit la création de cette bonne auberge. Vous avez pu le voir dans Golden Moustache et MILTR ou sur sa propre chaîne YouTube. Il a deux passions, à savoir le jeu de rôle et qu'on lui envoie des sosies de lui sur Instagram. C'est Lucien Mène. Oui, oui, c'est moi. Tenu éloigné du niveau des pros, il revient agile comme Bébéto. Get sa technique, il est physique, numéro 1 au classement des tchatchers. La division 1 ne lui fait pas peur, le Kaiser du rap, le roi, le pape et Birzim dans la bonne auberge, c'est Adrien Méniel. Bravo. J'ai grave la ref. C'est Doc Gynéco. C'est Doc Gynéco, ah, ouais, passement de jambes. Ma préférée jusqu'à présent des intros. Ouais, mais bientôt nouvel album. J'ai compris jusqu'à présent de chansons de Doc Gynéco. Je tenais à dire que ça allait pas. Ça risquait pas d'être beaucoup mieux. Le classement va rester comme ça. Ouais. Tous ces noms que vous avez entendus sont des noms de la bonne auberge. Alors, c'est pas un épisode spécial à proprement parler, puisqu'on va pas parler que de ça, même si dans la deuxième partie il y a beaucoup de questions sur le jeu de rôle et sur l'émission en elle-même. Mais déjà, Lucien, est-ce que tu peux dire ce qu'est la bonne auberge? Oui, la bonne auberge, c'est ce qu'on appelle un actual play. Et donc, on joue à Donjons et Dragons, qui est un jeu de rôle, tous les mois sur Twitch en direct. Et ensuite, on prend ces longs streams de 4-5 heures et on les découpe en épisodes de 45 minutes, 1 heure qu'on met sur YouTube. Très bien, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais pour l'heure, c'est l'heure des actualités du Floodcast. Les news du Floodcast. C'est bossé, hein. C'est pas moi, hein, c'est... Ouais. Non, on sait. Pour moi, c'est... En fait, ce qui me blesse, c'est qu'à chaque fois, non, il fait « c'est pas moi hein. ». Comme non, si c'était un peu un truc genre... Première fois. Non, mais y a une merde au milieu du salon, c'est pas moi. Les gens me regardent. Et c'est vrai que t'as un amour du jingle aussi. C'est vrai. C'est pour ça. La première actualité, c'est un patron suisse qui a proposé une prime de 1000 euros par employé, une prime qui est liée au Covid. À votre avis, laquelle? Elle est liée à quoi, cette prime? Pourquoi récompense-t-il ses employés de 1000 euros? Un rapport avec les gestes barrières? Pas vraiment. Rester chez soi en étant un, ça non, pas vraiment, pas okay. vraiment. Si quelqu'un dans leur entourage est mort? Non, non, mais ce serait sympa, cela dit, un petit chéco pour ça. Ouais, mais ouais, ça fait toujours plaisir. C'est une meurtre même. La décence de mourir. C'est un pâtissier, t'as dit? Alors, c'est pas un pâtissier, c'est un patron. un patron d'hôtel. C'est un patron. Non, c'est un blindé. D'un PDG d'une entreprise, je peux vous dire la société, si oui. ça vous parle, ça s'appelle OPO, je ne sais pas ce que c'est. C'est une société spécialisée dans la vente de containers et de ramassage de déchets. Est-ce que ça a un quelconque rapport avec sa... Ça ne nous aidera pas. Non. Ça ne nous aidera pas, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, voilà, une prime, alors qui n'est pas liée au déchet. Si quelqu'un dénonce quelqu'un qui a le Covid. Non. J'aurais Parce que c'est la Suisse. Ça n'engage que toi. Et bim, les Suisses. Non, mais en gros, c'est un truc, pour le coup, vous cherchez un côté positif. C'est peut-être pas très positif. Ah, donc t'es plus après mourir, c'est pas ouf. Positif. Pardon. Non, quand je disais positif, c'est par rapport. Bon, vous allez voir, vous allez comprendre. Ils ont tous eu 1000 euros. Ceux qu'ils faisaient. Ceux qu'ils faisaient. Sachant d'accord. que genre qu'ils aucun ne l'a fait. Ah, c'est le test rectal. Non, est-ce que c'est genre, ça aurait pu, mais c'est pas ça. Pardon. Est-ce que par exemple, en tant que PDG, si quelqu'un chope le Covid, il touche une prime et du coup il file 1000 balles à ses employés s'il chope le Covid? Non, mais bizarrement, c'est la réponse la plus proche de la bonne réponse. Mais c'est pas ça. Ah, c'était une récompense. Arrêt maladie. Ah, aux personnes qui refusent de se faire vacciner. Très bonne réponse. Oh, ouais, anti-vax, mais quelle merde. Énorme chiasse. Exactement. Humaine. C'est sur la carte de visite d'ailleurs. J'ai mis le badge. CEO and énorme chiasse. Ouais, c'est ça. Alors il faut savoir quand même que ce monsieur a quand même été licencié par le conseil d'administration qui s'est dit en total désaccord. Tout complet déjà. Le fait que personne ne l'ait, aucun ne employé ne l'ait fait et qu'en plus il soit fait virer, j'adore. C'est Daniel vrai. Héritier de son vrai nom a été limogé, rappelant qu'il était illégal pour un employeur de dévoiler des informations sur la vaccination de ses salariés. Et donc voilà. Mais c'était quoi le je crois que c'est autorisé le discours qu'elle avait avec en Suisse. Le discours, je pense qu'il est anti-vax et qu'il disait voilà, si vous ne vous faites pas vacciner, eh bien je vous récompense de 1000 euros comme ça. Donc vous pouvez venir travailler et en plus je vous donne un petit chèque. Mais ce qui est génial, c'est que pour ne pas, alors la phrase exacte est qui est d'une finesse, pour ne pas avoir à céder à cette dictature qui est un génocide. Voilà. Allez, on balance tous les mots sur le fait qu'il soit anti-vax. Mais vraiment, moi ce que j'aurais fait, c'est je me serais fait vacciner. Et je m'aurais dit que je me suis pas fait vacciner, j'aurais pris 1000 balles à cette merde. Tu peux pas vérifier. T'aurais été plus filou, plus filou. Oui, c'est vrai que tu peux pas vérifier. Une fois qu'il est licencié, je lui dis mec, j'étais vacciné depuis le début. Shyamalan. Fable de la fontaine, selon moi. L'entreprise OpenAI a présenté la semaine dernière une intelligence artificielle. Je sais qu'Adrien est féru de ça. Oh, il adore la tech. Pour des utilisateurs fainéants, à votre avis, de quoi est capable cette intelligence artificielle? C'est de la rédaction. Ce n'est pas de la rédaction. Est-ce qu'elle va pisser à ta place? Non. J'adore. C'est avec les ordos? C'est une intelligence artificielle, mais oui. Ça, c'est pas. Est-ce que c'est sexuel? Ce n'est pas sexuel. Elle répond aux mails? Elle ne répond pas aux mails, non, mais. C'est un rapport avec l'écriture quand même un peu. Il y a un côté. Il y a quelque chose de. Oui, mais elle ne rédige pas à ta place. Voilà, si je peux te répondre à ça. Mais c'est lié à l'écriture. Est-ce qu'elle fait des. Est-ce qu'elle reporte les spams de cul sur Instagram? Non, ça serait bien. Je m'intéresse. J'adorerais ça. Est-ce que c'est un coach de vie? Ce n'est pas un coach de vie. Non, vous rapprochiez avec cette histoire d'écriture, on tourne autour. Elle automatise une tâche pénible, c'est ça? Pour les gens fainéants, elle répond au texto. J'ai dit pour les gens fainéants, alors c'est pas répondre au texto, mais pénible pour certaines personnes et pas du tout pour d'autres. Pour d'autres, vous allez voir, la réponse est une aberration totale. Ah, répondre au téléphone? Non. Elle écrit des livres à ta place? Non, mais elle tu t'approches. Elle fait des podcasts. C'est une AI de ministre. C'est quasiment la bonne réponse. Elle lit des livres, elle te résume. C'est la bonne réponse. Donc voilà, je vous donne un point. Elle te résume l'intégralité des livres et apparemment ça marche plutôt pas mal. J'en rêve. Ouais. Tout simplement. Si en plus elle le lit à haute voix, c'est parfait quoi. Bah ça, c'est audible. Ouais, c'est Nicolas Sarkozy sur. Il lit le livre en entier qui a le temps. Donc voilà, qui fait de la décomposition récursive des tâches, qui permet à ce système américain de pouvoir résumer un livre, peu importe sa longueur. Il est également envisageable de paramétrer le système pour avoir un résumé plus ou moins long, avec plus ou moins de détails. Tu peux le régler à genre une phrase. C'est pas mal. Vas-y. Bon. Non, résumer l'histoire en une phrase. Gars. C'est ça qui est ouf. Est-ce que vous auriez pourrouillé, alors peut-être pas celle-ci, toi, cela dit, tu disais que oui, mais si vous deviez avoir une intelligence artificielle pour vous aider à une tâche un peu relou du quotidien, répondre au téléphone, Adrien, j'imagine. Ah, totalement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est Google, je crois, qui a fait une démo de leur intelligence artificielle. C'est pas répondre au téléphone, c'est genre. C'est une boîte qui enregistre le message et tu peux le réécouter plus tard. Non, mais c'est genre pour. Par exemple, l'intelligence artificielle, elle prend rendez-vous chez le coiffeur à ta place, mais elle appelle. Mmh. Wow. Et ils avaient fait une démo de ça. Mais c'est incroyable. Et c'est-à-dire qu'elle appelle, les gens disent oui, coiffeur. Ils disent oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous pour mardi. La personne humaine répond oui, on a un rendez-vous à 10h et machin. En fait, tu rentres tes paramètres en amont. Ouais. Et ensuite, il négocie avec la personne en fonction de ce que tu as donné comme paramètre. Et est-ce il prend rendez-vous à ta place. Est-ce que ça fait une synthèse vocale de toi aussi? Non. C'est comme si c'était toi. C'est Nicolas Canteloup. Quand t'as besoin d'aller chez le coiffeur. C'est hyper pointu parce que ça veut dire qu'elle bloque pas sur des phrases. Non, c'est hyper. Fait pas une Total Recall où elle se met. Non. Et là où le public devient fou, c'est qu'à un moment, le coiffeur lui dit une phrase et l'intelligence artificielle répond. Mm-hmm. Oh. Et le public est devenu fou. Ah bah oui. Incroyable. Mais la vidéo, elle est sur le web. C'est génial, c'est la technologie qui se met au niveau des gens qui ne veulent pas aller aussi vite que la technologie. Genre, on va appeler, parce que normalement, maintenant, c'est par les applis ou par Internet. Les gens qui font le téléphone, ça devient plus rare, quoi. C'est génial que Google se dise, on va descendre un peu, on va se mettre au niveau. C'est un pigeon voyageur, mais bionique. Ouais, c'est ça, exactement. Lucien, peut-être quelque chose qui... Non, moi... Une, toi, t'aimes toutes les tâches de la vie, de toute façon. Oui, vraiment, tous les trucs mondains, c'est vraiment, ça me plaît. Non, je sais pas. Justement, les spams, un truc qui gère tous les contenus tu sais, tu rentres tes paramètres et ça te fait un tri dans ce qui t'est mis dans la gueule tous les jours. Par exemple, sur Instagram, les stories de chats et de chiens, moi, je dis pas que c'est pas bien. Non, je dis pas que c'est pas bien. Wow. Il a visé, non, c'est bien. Il a fait 50-50, c'est toi et moi. Chat, chien, c'est les deux prennent dans la gueule. Pas, je suis offensé aussi. Tout le monde adore ça. Et je sais très bien que je suis marginal parce que ça m'emmerde en fait. Je dis pas que c'est mal, c'est très bien. Moi, j'adore pas ça. J'adore juste mon chien. Moi, j'adore montrer le chat. Quand je vois le chat de Flaubert, on a rien à foutre. En fait, voilà, moi, c'est systématique de. À chaque fois que je vois une story de chat, je dis c'est ton chat, je m'en fous. En fait. Et j'aimerais bien que. Tu sais, ils font des reconnaissances. Donc toi, tu voudrais une app pour avoir un cœur en fait. Ouais. C'est le magicien d'eau, les sentiments. Moi, je suis une pierre, je suis un rocher. Non mais un truc qui m'enlève les contenus qui m'intéressent pas. Oui, ouais, genre qui scannerait le visage, enfin ouais, pas le visage, non, mais le contenu. Les reconnaissances faciales maintenant pour un chat ou un chien, je pense que c'est facile à coder. Snapchat le fait. Et les mêmes. C'est vrai. T'as dit quoi ? Les quoi ? Ok, bon, ça a été très vite. Allez. Oh, mais ce sera Bibé. Oh, ça balance. Oui, bon, Justin Bibé. Oh là là, qu'est-ce qu'il est. Je rebondis. Non mais sinon, moi j'avais les robots aspirateurs là. C'est un truc pour faire une tâche chiante. Ah oui, bien sûr. Pas vraiment de l'intelligence. Mais ça marche vraiment, ça. C'est un peu teubé. Ça marche. Ouais. Alors, le moi, j'ai pas confiance du tout en ce truc. Moi, j'ai peur que ça pète des trucs. Enfin, tu vois, que ça tape dans des vases. Bah, il faut un peu préparer le truc. Faut pas laisser des trucs traîner par terre. Faut pas laisser tes vases au sol. Oui, c'est ça. Moi, j'ai laissé tous mes vases oui, au sol. Oui, voilà. Non, mais les câbles. Moi, je lui avais fait un parcours. Il a raté. Faut pas avoir des câbles qui traînent, ce genre de truc. C'est un aspirateur, mais c'est très efficace. Et Max, après, il te met un petit résumé, pardon. Résumé, hyper satisfaisant. Bah, il te met un petit résumé de tout ce qu'il a nettoyé, quoi. Ah ouais. T'as une carte, une carte de son parcours. Putain, et ça, tout. C'est vraiment. C'est cool. Génial. Moi, ouais. J'aime bien. Wow. Je vais peut-être jeter mon Dyson. Max. Bah moi l'idée du coiffeur me plaît bien, je pense que je voudrais la même mais pour mes parents que j'embrasse hein. Pareil. Bisous. Pour le small talk. Déjà, ça fait gagner 2 heures par semaine. Cela dit, moi juste effectivement une intelligence artificielle. Cela dit, juste une intelligence artificielle qui fait. Mm-hmm. Ouais, voilà, c'est moi ça, ça suffit. Hein. C'est moi, exactement vraiment, à ce moment-là que je me suis dit oh putain mais c'est ça qu'il me faut. Lisa, t'as quelque chose qui te... Ouais, un truc que je déteste, regrouper les chaussettes après la machine. Voilà, c'est une tâche qui me... Un truc qui fasse des paires. Qui me tend. Ouais, qui trouve, tu sais, toutes ces chaussettes blanches qui sont sensiblement pareilles, mais pas vraiment l'élastique. Ouais, il y a des dégradés. Je suis sûr que c'est possible, assez facile à faire. Ah, ça peut me rendre folle. Ça se voit, tu te rends et d'ailleurs. Ouais, imagine qui fait ça. Je l'ai fait là, juste avant de venir, c'est pour ça. Ouais. Et ça me tend. Peut-être qu'il te faut un psy plutôt. J'ai rendez-vous la semaine prochaine. Il y a psy. Et Pénélope, toi, t'as une petite idée? Je sais pas, moi j'aime vraiment bien ce truc de pas avoir à appeler. Parce que ça, ouais. Vraiment, ça me provoque ça, des bouffées d'angoisse quand je vois qu'il n'y a pas de prise de rendez-vous par internet. Il faut appeler. Demain peut-être. Alors. Mais sinon, moi globalement, un bon vieil hologramme vraiment crédible qui fasse que je sorte plus de chez moi. Ouais. Ce serait tellement super qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de présentiel, je puisse ne pas y aller en fait. À part ici, bien sûr, parce que je suis vraiment hyper content d'être là. Bien sûr. Mais sinon, si à chaque fois je pouvais envoyer cette personne à ma place, et personne, peut-être qu'il ferait et que personne ne se rendrait compte que c'est pas moi, et j'aurais plus à sortir. Jamais, ce serait mon rêve. Technologie des clones, moi j'en rêve hein, aussi. Des clones. Mais ouais, ceux qui vont chez Pôle Emploi, tous les trucs merdiques, ils vont faire les courses. Mais c'est évident. Mettez-vous d'accord. Mais c'est évident qu'ils se rebelleraient au bout d'un moment pour dire, bah gars, tu ne fais que les trucs relous. Ouais, et surtout, tu fais des trucs cool. Genre, bien sûr, je vais aller à Pôle Emploi pendant que tu fais du surf. C'est mon activité cool que j'ai eu en premier dans la tête, le surf. Avoir mal aux abdos et au cul, c'est ton activité cool, d'accord. Mais à chaque fois, on fantasme sur les clones, sauf qu'en fait, si tu te clones, c'est un bébé, c'est toi bébé en fait. Donc avant qu'il devienne adulte. Ah ouais. C'est pour ça qu'un hologramme c'est vachement mieux. Ouais. Oui, voilà, ça gagne temps. Un bon androïde. Alors celle-là, vous allez peut-être la trouver vite parce que c'est les trucs d'art contemporain, donc on devine assez rapidement. Mais un artiste danois. C'est de la merde, c'est de la merde, il a chié dans une boîte, voilà. Il n'y a pas de caca dans cette histoire. A été payé 84 000 euros par un musée pour peindre 2 toiles en ayant totale carte blanche. À votre avis, qu'a-t-il peint? Du blanc et du noir. On n'est pas loin. Du monochrome. C'est pas les billets. Non. Cette histoire des billets. Ça c'est une histoire que t'as entendu. C'est quoi l'histoire des billets? Où il a collé des billets. Il avait dit qu'il avait collé des billets. En fait, il s'est barré avec la thune. Il avait dit que c'était ça l'œuvre d'art. Ah oui, c'était genre 70 000 dollars. Ouais. Et il en a collé 30 000. Et il a dit bon bah voilà, c'est fini. Ah mais non. Alors c'est pas ça, mais on n'est pas loin. Hein. C'est dans cet esprit-là. C'est des monochromes. Alors c'est des monochromes plus que des mono... oui, enfin, ah c'est la des... toile blanche, il a laissé la toile c'est blanche. C'est ça, il a laissé deux toiles vierges. Grosse merde. Il a appelé ça, il a non mais c'est pardon. De l'art, c'est de l'art. Et on l'a appelé il a appelé la l'œuvre Take the Money and Run. Ah bah c'est donc non, c'est, c'est lui. Ça. Donc c'est ça. Ah il a collé des billets. En fait, il avait dit qu'il allait coller des billets, c'était un truc sur l'argent. Ah la, la, l'article ne le disait pas, d'accord. Et donc il a demandé des liquidités, il a demandé du liquide. Ah donc c'est ça. Et en fait, il a donné il a livré des toiles blanches et il s'est barré avec. Ah oui, franchement pas mal. Bien fait un peu parce que faut être con pour donner autant d'argent à ce gars-là. Il s'appelle Yu Yun... Yun... Banksy. Appelons-le Banksy. Oui, c'est Jans Anning. C'est ça, il y en a une... Il aurait pu combiner ça avec l'œuvre qui s'est autodétruite. Oui, ouais, c'est ça. Ah, vraiment, tant qu'à faire. Ou l'œuvre transparente. Ah oui, c'est non, invisible. Ça. Invisible. L'œuvre invisible. Ah oui, bah ça. Alors, ça, ouais, on en avait parlé aussi. Ah, bien joué. Ah, ouais. Que j'ai chez moi, hein, d'ailleurs, je l'ai volé. Ah merde, moi aussi. Est... Non, c'est toi qui as la voix ou c'est oui, moi je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré. Oui, toi, c'est une contrefaçon, je crois. Ok. C'est ça. Merde, je me suis fait balader. Eminem, le rappeur. Hein. On l'adore. Ah, oui. Oui, voilà. Pas Eminem, l'attaché, l'agent immobilier. Pardon. Les bonbons. Ah, je croyais que tu disais les petits. La moitié d'un roi de printemps. Eminem's. Ouvert un resto à Détroit, connaissez-vous le nom du resto? Oh, Mom Spaghetti. Exactement. Non, il l'a fait. Il l'a fait, il l'a fait. Wow, beaucoup trop fort. Excuse-moi, j'aime Eminem. Il y a une culture Eminem au taquet. J'aime Eminem. Alors, Mom Spaghetti, on peut expliquer d'où ça vient. En plus, je pense que ça vient d'une chanson de 8 Mile aussi. Bah, c'est dans Lose Yourself. C'est ça, c'est... Oui, c'est non. Ça, c'est Lose Yourself du film 8 Mile. Ah oui, quand il dit qu'il a la gerbe. Et il a des traces de vomi sur son sweater already, Mom Spaghetti. Exactement. Et donc du coup il a littéralement appelé son resto à Détroit parce qu'il est originaire de Détroit, Eminem. Bah, dis-toi, le... Mom Spaghetti. Et il a même servi les gens au resto, donc autant te dire que c'était la cohue. Incroyable. Et un coup de promo à mes yeux. Et oui, mais qui est stylé. Je suis sûr qu'il va pas le faire très longtemps. Il est serveur désormais. Il n'est plus rappeur du tout. Reconversion. Toujours dans les vedettes. Maintenant il rappe des légumes. Ou du parmesan. J'en prends plein la gueule, vous m'entendez? Dans les spaghettis, mais du parmesan plutôt. C'est une c'est un ping-pong. Non, mais c'est, on c'est, brainstorm. C'est une œuvre collaborative, comme ça on travaille à plusieurs. Si c'était un resto chinois, il l'aurait appelé Deminem. Oh! Pour des gens qui n'ont pas très faim. Oh, je plaisante, continue. Moi, ça peut durer 2 ans, hein, tu le sais. Toujours dans les vedettes internationales, la chanteuse Shakira a vraiment eu une sale semaine. Pouvez-vous me dire ce qui lui est arrivé? Il lui est arrivé 2 événements assez différents. Mais pas cool les deux. Est-ce que vous pouvez Elle a eu un contrôle fiscal comme à chaque fois, non? Alors non, mais c'est un peu lié à ça. Mais pense plus grosse actu. On l'a confondu avec Jacques Chirac. Ah, elle est dans Pandora Papers. Alors c'est le premier. Ouais. Son nom est sorti dans l'affaire des Pandora Papers. Bah, ah merde. Voilà. Et ouais. Mais en tant que personne Shakira. Shakira. Ouais, j'essaie. T'as adoré, Lucien. Il l'a fait, il l'a fait. Mais vraiment, c'est dommage qu'il ait pas l'image parce qu'il a l'air mort quand même. Alors qu'il adore ça. En tout cas, c'est pas Shakira apparemment. Jacques Chirac. Ouais, il adore. Jacques Shakira d'ailleurs. Ouais. Après, si je suis venu pour me faire, je suis venu pour souffrir. Hein. Donc, oh, c'est le même. Oh le même. Oh, le même. Ah, les amoureux de même, c'est régal. Le truc que j'adore en humour. Et troisième, c'est les trolls. J'adore me faire troller, alors c'est trop marrant. Mais vous avez trouvé la moitié. Donc ça, c'était un peu la grosse actu qui a fait parler et d'elle. Et l'autre a rien à voir. Ah, l'autre est très éloigné. Est-ce que c'est un truc physique? Comment? Personnel, un truc physique. Un truc personnel, un peu physique, mais pas glauque non plus. Un peu marrant quand même. Elle a un chlamydia. Non. C'est un peu marrant, chlamydia, le nom. Alors, était vraiment cool de communiquer là-dessus. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. Font pas toujours exprès de. Peut-être pour sortir du Pandora Papers. Oh, regardez, justement. Le chlamydia. C'était après les Pandora Papers. C'était après les Pandora Papers. Et d'ailleurs, on en a parlé sur Insta, donc ça ressemble un petit peu comme en changeant de sujet. Ah oui. Ouais, cette semaine. C'est un peu un truc un peu humiliant, un peu honteux. Non, mais c'est un peu nul. Mais c'est pas honteux. C'est juste quelque chose en rapport avec le Covid. Non, elle pas du tout. Fait chier dessus par un pigeon. Non, pas du tout. C'est par un autre animal. La dispersion un peu nulle. Par Eminem. Non, pas du tout. Non, mais c'est un truc. Ouais, c'est. Je peux vous dire, elle s'est enfermée dans sa voiture parce qu'elle a subi une attaque. Voilà, mais une attaque un peu marrante. Des mouettes. Des clowns. Pas des mouettes. C'est une attaque marrante. Des clowns. C'est vrai. Ils sont rigolos. Des blagues. Elle s'est fait attaquer par forestiers, donc plutôt une attaque marrante. Le Joker. Non, des lamas. Non, pas des lamas. Des drones. pas des drones non plus. C'est un animal. C'est un animal. Ah d'accord. Elle visitait un parc spécial. Un singe. Alors peut-être, je vais regarder. C'est pas un singe, je vais regarder. Yosemite. Mais c'est un animal. Ça lui arrive dans c'est... un parc en... à Barcelone. Voilà, animal. Un petit, animal. Des tigre. Espagnols. Pas tigre un blanc de Barcelone. Il déteste. Un reptile, genre un crocodile, un iguane. Non, alors ce n'est pas un reptile. Ou alors je suis un très perroquet. Mauvais en animaux, mais c'est pas un reptile. Un perroquet, il lui chantait ses chansons. Est-ce que c'est un animal qui d'ordinaire est plutôt mignon, donc c'est drôle? Non. Alors loi. C'est pas un red panda. Alors loi. Non, pas une loi. C'est très méchant, une loi. C'est une loutre. La saloperie. Un animal qui est flippant. Tu peux l'être, si tu peux rentrer sa face, un pas un porc. Comment? Le kangourou? Un vautour. Ah, c'est un l'animal c'est le plus flippant. Ah, c'est horrible. Ah ouais? Ah ouais, très gros badass. Bras, c'est non, mais très ouais. T'as jamais vu cette vidéo? Où ils, avec les, où ils donnent des patates? Non, mais t'as jamais joué à Street of Rage, surtout. T'as un mec qui est dans une voiture, genre dans la Pampa australienne. Non, et il est dans avec une voiture et il descend. Oui, ouais, et il y a un kangourou qui fait une clé de sommeil à son chien. Et le mec arrive. Et il met une patate au kangourou. Et le kangourou est hyper étonné. Il lâche le chien s'en va. Mais le visage. Il met ça un peu comme ça, il s'en va. C'est ma vidéo préférée, je pense. Ça n'a aucun sens. En mais fait, les kangourous, c'est une horreur. Mon truc préféré dans cette vidéo, c'est le visage du kangourou qui fait. Tu m'as tapé. Tu m'as tapé. Il fait vraiment un geste genre. Waouh. Attends, mais tu rigoles. La même expression que le chameau dans Conan le Barbare. Je crois qu'il avait dit hein, calmos les amis. Quand il s'est pris la patate. Avant Griezmann. Il est précurseur. On n'a pas trouvé l'animal. Non, mais c'est un animal. Donc toutes vos réponses sont un peu plus un marrantes. Lion, non, c'est pas dans un zoo. C'est pas dans un zoo. C'est un parc, genre un square. C'est un parc. Un écureuil, un oiseau. Ouais. Non, c'est pas un oiseau. C'est pas un écureuil. C'est un mammifère. Un rat. Un rat. Je sais pas trop si c'est un mammifère, mais c'est pas un rat. Si c'est un rat, c'est vraiment un mammifère. Non, c'est pas un rat. Un lapin. Un truc aquatique. Non. C'est un. Non, mais c'est un animal. Vous aimeriez pas vous retrouver en face. C'est assez impressionnant quand même. Ah, donc c'est assez gros. Un ours. Éric Zemmour. Allez, je dénonce. Blague de l'actu. J'espère qu'on en parle pas. Est-ce qu'il a quatre pattes? Il a quatre pattes. Ah oui, bonne idée ça. Un ours. Il a des poils même, je peux vous dire. N'est pas un bête. Un ours? Non. Et c'est pourtant, un chien, c'est extrêmement mammifère. Parce que je suis un abruti, ça n'a rien à voir. Parce que je suis très bête. Est-ce que c'est un ornithorynque? Un cheval. On sait pas ce que c'est. Un canard, une taupe. Un tapir. Je vais vous donner. Un capybara. Mais non, mais tout est moins bien. C'est malheureusement, c'est un clébard, sont simplement voilà. Des sangliers. Ah, c'est fait. Non, mais... Ça va être bien flippant quand même. Hein. C'est, ouais, pas c'est pas drôle, ouais. Dans un parc. Dans, ah, un, dans parc. Un parc. Mais tu sais, c'est en Espagne. Elle a partagé une série de vidéos ça, où elle montre notamment son sac à main endommagé et boueux. Les sangliers m'ont attaqué, puis ils ont arraché mon sac avant de le traîner dans les bois. Ça, j'aime bien. Un petit peu indécent après les morts. Sangliers se plaignent pour son sac. Quand même. Ils m'ont mis dans la boue. Le timing est pas génial. Regardez dans quel état ils ont laissé les affaires. Et la compagne du footballeur Gérard Piqué a ensuite filmé son fils Milan en lui demandant de dire la vérité. C'est ouf qu'ils disent quand même la compagne du footballeur. Quand, alors que c'est Shakira quoi. Ouais. Ouais. C'est ouais. Qui c'est en fait, c'est bon, c'est vraiment elle une chanteuse plus connue que le gars, hein, je sais pas qui Gérard c'est. Gérard Piqué pour moi c'est, un, ouais, c'est le nom que t'inventes quand tu dois trouver un nom de footballeur. Ouais, c'est ça. Bah, c'est Gérard Piqué bien sûr. Défenseur du de footballeur de 82. Oui. Hein, en plus, c'est Gérard ça, Piqué, exactement. Ça fait vraiment. Et Tigana fait la passe à Gérard Piqué. Oh là, c'est très beau, très belle action. Ah bah alors, oh là là, la transition, mais putain, mais dans ta gueule, Laurent bah, Ruquier. Attends, c'est l'équipe c'est une passe de foot en profondeur de Tarbes, que je te fais. L'équipe en foot de Tarbes a dû déclarer forfait et a été éliminée de la Coupe de France. Mais c'est pas du tout de leur faute. À votre avis, que s'est-il passé? T'as aussi un rapport avec un animal? Ce n'est pas un animal. Est-ce que les supporters? Pas les supporters. Le terrain était endommagé d'une quelconque façon? Le terrain était en parfait état, tu m'entends? Est-ce qu'il y a un problème avec la mairie de Tarbes? Pas une gastro, pas une maladie. D'accord. Et pas la mairie de Tarbes. Qu'on salue d'ailleurs. Un événement oui, climatique. On les embrasse, j'ai une cousine comment qui travaille un événement là-bas. Climatique. Alors le climat, pareil, n'a rien à voir dans cette histoire. Rapport au fait que Tarbes, c'est plutôt le rugby et que peut-être des rugbymen avaient fait une petite dinguerie. Le jeu non. De la biscotte, comme un biscotte. Comme à leur habitude. C'est la pure vérité. T'appelles oui, le jeu de la biscotte une petite dinguerie. Pour eux, c'est rien. Alors là, un jeu de formalité. Mais non, ce n'est moi, pas ça. Moi, je reste ça. Bloqué sur comment on appelle les gens qui habitent à Tarbes. Est-ce que c'est les Tarbas? Ça me bloque mon cerveau. Alors, attends, je vais te répondre. Tout à l'heure. Je vous laisse continuer les à chercher. Les Tarbins. Les Tarbiens. Apparemment, est-ce qu'ils n'avaient pas de maillot? Ce n'est pas une histoire de maillot. Plus de sponsor. Non. J'ai pas dit d'aligo, j'ai dit de maillot. Non, c'est les Tarbais ou les Tarbaises, excusez-moi. C'est quand même marrant. On est ok. Pourquoi? Ah oui, parce qu'il y a baise. Parce que la baise. C'est drôle, toujours. Non, mais ce n'est pas ça. De toute façon, vous cherchez pas avec Tarbes. C'est pas lié à la ville d'accord. De Tarbes. Ils ont abdiqué de la. Ils ont fait forfait de la. Forfait. Ils n'ont pas pu jouer le match. Est-ce que tous les joueurs étaient... Ah non, c'était pas une maladie. Ouais, pas une maladie. Pas de Covid, pas de gastro. Pas d'animal. Pas de chlamydia, pas de sanglier. Est-ce pas qu'ils avaient un problème de transport? Genre, ils pouvaient plus du tout... T'es pas loin, pas de transit. Ils se sont trompés de stade. Je t'accorde la bonne réponse. C'est encore plus con que ça. C'est le chauffeur de bus s'est planté de chemin pour une raison toute bête. Ah ouais. C'est qu'il a mis le nom de la ville sans S dans le GPS. Oh mais non. Et il n'a pas été dans la bonne ville. Pour avoir oublié un S dans l'orthographe du village Averroanais où il devait jouer, les footballeurs tarbais sont éliminés de la Coupe de France. La phrase était carrément. Oh, quelle horreur. Horrible. Ouais, pour un mec qui a pas fait gaffe. Le chauffeur est viré. Il a été tabassé par toute l'équipe. Si ça peut remettre un peu de baume au cœur. Ils ont eu beau arriver en courant et déjà en tenue, rien n'y fait. Les arbitres ont appliqué le règlement. Les footballeurs de Tarbes qui devaient disputer samedi le quatrième tour de la Coupe de France contre le petit poussé averroanais de Vabre-l'Abbaye. Je connais grave le foot. Petit hein. Poussé, vraiment. Les... Vabre-l'Abbaye, d'ailleurs. Oui. L'Abbaye. L'Abbaye. Une abbaye. Maya, la... Maya, l'Abbaye. Bref, en fait, le bus des Tarbais s'est bien rendu à Vabre, mais à Vabre sans S, près de Rodez, alors que Vabre-l'Abbaye se situe à près de 90 km de là, dans le sud d'Aveyron. En fait, tout ce qui est Ils ont couru 90 bornes quand même pour venir. Hein. Ils allaient perdre, quoi qu'il arrive. Je pense pas qu'ils allaient gagner la Mais c'est ça qui est terrible, en fait. C'est qu'en plus, la ville est à 90 bornes, donc t'as le temps encore de dire ah, vas-y, si on fait demi-tour, on peut peut-être l'avoir. Et non, malheureusement, les arbitres. J'aime bien aimer 20 minutes, conclut l'article par rageant. c'est le bon terme, c'est je crois que c'est le bon terme qu'on peut utiliser, rageant. En Seine-Maritime, une course insolite va avoir lieu. Je vous demande de trouver ce qui va concourir. Des escargots. Pas des escargots. Où ça ? Des caddies. C'est en Seine-Maritime. C'est des véhicules ou des. Ce ne sont pas des véhicules. Des humains ? Non, pas des humains. Des animaux ? Des aspirateurs robots ? Non, pas des aspirateurs robots. Des animaux, j'en rêve depuis qu'on en a parlé. Ouais, non, c'est pas. Alors, c'est des animaux et pas vraiment. Voilà, des drones. Des centaures. Ouais. Qu'est-ce que c'est une course de centaures ? Non, mais il nous avait dit que les actus étaient un peu la bonne auberge. Donc, possible. Hein. C'est une course. C'est des dragons. De virus. Non, non, c'est. Arrive à faire arriver le Covid le plus rapidement possible à Lille. Non. J'adorerais par contre. Mais, alors, d'humain et pas vraiment. Non, non, non, c'est un animal, mais ça a la forme d'un animal. Ah, c'est pas un animal, mais c'est un chien. Des gens qui font du cheval. Non. Déguisé en chevaux ? Non, c'est des nanas qui font du cheval, mais c'est elles le cheval. C'est une pratique que j'aime beaucoup voir. Ah, mais c'est un fétiche, ça, carrément. Les furries, quoi. Je sais pas. Non. Mais... Alors, c'est pas ça. Plus, là, c'est des pyjamas cheval où il y a deux personnes, une pour les jambes derrière, une pour les jambes devant. Avec une des dragons chinois. Alors, c'est ah, pas de dragon chinois, ça ouais, serait trop ça serait bien. Trop cool. Alors, trop voir ça. C'est malheureusement pas la bonne réponse. Attends, c'est un déguisement d'animal. C'est pas un déguisement. Ça a la forme d'un animal et pourtant c'est pas un... comme un cheval de Troie, tu veux dire, un truc comme ça. Alors, c'est pas ça, mais... pensez jouets. Voilà, je vous amène par là. Des nounours. Pas des nounours, mais voilà. Des peluches. On s'approche tout doucement, pas des peluches. Des chevaux à bascule. Pas des chevaux, oh, ça aurait été pas mal. Mais bien ridicule à voir. J'ai envie. Des oiseaux radiocommandés. Pas des... Non, mais c'est un oiseau. Des ptérodactyles. Ah, le même, bien même, sûr. Cerf-volant. Un cerf qui vole, tu veux dire. Non, cerf-volant avec un oiseau dessiné dessus. Non, t'as le cerf-volant ou quoi pour penser ça. Pour penser une chose pareille, Lucien. T'as des sosies sur internet, tu m'entends. T'en as plein, ils sont bons. C'est un complot, en fait, vous me roastez, c'est ça. Le mec qui boit du vin, là. La tempête. C'est tout moi. Alors attends, un oiseau. Une autruche robot. Non, c'est malheureusement pas un robot, mais j'ai trop envie. Non, la réponse est vraiment décevante, hein, je vous préviens. Hein. Comme souvent d'ailleurs. Alors attends. Parce que c'est ça la vie. Des Tamagotchi. Non. Et donc c'est pas des humains. En fait, en gros, il va y avoir plein de cet objet. D'accord. Tu en sponsorises un. Ah, ils vont être lancés. Furby. Est-ce que c'est pas un truc que tu remontes là, tu sais, qui marche Non, mais vous êtes pas lancé. Des en papier. Pas en papier. Pensez au jeu d'enfant. Un si cheval en bois, non. Pas penser peut-être fête foraine. Bon, je vous donne plus. Canard, des canards, canards en plastique balancés dans la flotte. Mais t'as dit oiseau, c'est. Mais ça reste. Canard, c'est un oiseau. Oui. Oui, je vois ce que tu veux en dire. Vous êtes tous d'accord. Mais vous êtes en train de douter d'un seul. Ça fait débat. Ça fait débat. On n'est pas au top en termes de connaissances en animaux. En animaux, bah les fans sont dégoûtés. Pas. Les gens qui adorent les animaux sont dégoûtés. Le sanglier est un mammifère, je sais pas. Canard, c'est vrai, c'est donc ça, tu savais pas. Bah, c'est un, ouais, j'avais un doute. C'est un gros cochon. N'hésitez sur le fait qu'il pond des œufs. C'est ça. Un moyen mnémotechnique parce facile. Parce que c'est quand même ça la définition du mammifère. Ouais. Bah voilà. Non, s'il a des gougouttes, c'est un mammifère quoi. Oh, bah c'est ça qu'il faudrait dire aux gosses à l'école. Comme mamelle quoi. Oui, bah tout ça est bien logique. Donc, mais okay. la baleine, c'est un mammifère. Bah oui. Et bah ça a pas de gougoutte une baleine. Bah, je sais pas, je suis pas. Qu'est-ce que vous appelez Qu'est-ce que vous appelez gougoutte? Les pinces, les tétons. Les tétons pour nourrir les bébés. Vous avez vu beaucoup de baleines? Peu justement. Ouais. Bah déjà peu de sangliers, donc t'imagines bien que les baleines. Il faut googler baleine gougoutte. Et Internet si y a une dit, cellule non. Factique. Non, non, non, non, non, pas vraiment. Non, non, va te coucher plutôt. voilà, petit jeu de fête foraine à grandeur nature. Est-ce qu'il y a des gens... Alors, ça, c'est la question que je pose. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui détestaient les fêtes foraines. Devinez qui. Personne qui est à peu près tout. Les fêtes foraines. C'est pas que je déteste les fêtes foraines. Non, mais foraines, ça t'oppresse. Ouais, je me sens mal. En fait, j'ai longtemps été un peu agoraphobe. Et par exemple, les centres commerciaux et tout ça, j'étais pas très très à l'aise. Maintenant, ça va un peu mieux parce que j'essaye d'être un adulte fonctionnel. mais j'avoue que les fêtes foraines, ça me fait pas trop marrer. Parce qu'il y a du monde ou ouais, c'est un tout. Parce qu'il y a plein de monde, il y a plein de bruit. Il y a des et il y a des amusements que je trouve pas très amusants. Et souvent des trucs dont ils ont pas la licence et qui sont mal dessinés. Ça, c'est mon truc préféré. Moi, ça m'oppresse. La DA, un marsupilami foiré, un Mickey, un Pinocchio affreux. Ouais, non, non, non, c'est vrai que ça. Mais c'est les premiers crossovers parce que c'est les seuls endroits où tu pouvais voir justement Mickey pote avec Bart Simpson Captain America Foreign Universe, c'est ça. Mais d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que Disney a le droit de venir et dire bah désolé, tout ça c'est à nous T'imagines le temps qu'il perd. Ouais. Non, il perdrait un temps fou également. Pas dire c'est à nous, mais tu peux je pense qu'il gagnerait 200 balles aussi. Ouais, s'en fout ça. Ouais, c'est ça. Et ce serait en jetons de d'autotamponneuse. J'ai ça, tu, alors, des tu vois, 6 kilos de jetons. Typiquement, moi j'aime plutôt bien les fêtes foraines, les autotamponneuses, ça n'a jamais été mon délire. Mais c'est parce que t'es pas un mascu. Ah, j'adore ça. C'est vrai, ah ouais, moi j'aime bien aussi. Ouais, ouais. Ah putain, ah ouais, mais moi je... parce que vous vous levez, vous tapez bien fort, ah, je vous ça, c'est trop marrant. Non, vous... pas du ah, tout. Moi mon but c'est de les esquiver et tout, tu vois. Ah, okay. Je me ah, c'est un plus peu ça. Ninja. Est-ce que tu t'assois sur le côté? Il y avait des mecs un peu stylés qui faisaient ah ça. Ah oui, je mets le bras, tu produis à une main et tu t'assois un peu à calife fourchon sur le côté. Ça c'est les merdes ça. Ces gens-là m'ont fait peur. Et quand je tape quelqu'un, je fais et paf. Très peur. Ah ouais, moi j'étais terrorisé. Et même il y avait des voitures dans les autotamponneuses et des motos. Et les gars en moto, c'était après, les plus. Après, il y a eu les motos, ouais. Il y avait des motos. Il y avait des motos tamponneuses. Moi, j'ai et jamais eux, eu coup, les ils motos. Vraiment, voilà, toi qui adores esquiver. C'est très dangereux, non? Ah bah ouais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, ta jambe, elle peut faire recompresser. T'as un genre de boudin tout autour, non? Bah oui, mais bon. Pour te faire tamponner. Bah bien. Sinon, faites du rugby, quoi. Si vous adorez les tamponneuses. Vous battez vous faire chier, allez-vous battre. Ouais, c'est ça. Faites le club. Souvent dans les fêtes foraines, ça dit. Bah oui, mais c'est aussi, ça fait partie de mon truc. Il y a une ambiance, je trouve, un peu foireuse, un peu sulfureuse. Il y a des gens, ils se font chier. Ils ont un peu envie de chercher la merde. Un peu fête de la musique. On est tellement différents. Ouais, aussi. Moi, non, mais toi, t'aimes bien les gens qui cherchent la merde. Je déteste la fête de la musique c'est... aussi, moi, mais pour moi, c'est pas. Et les cadeaux mais cachés. Moi, j'aime aussi. La fête foraine, moi. Et puis, personne n'arrive jamais à avoir le gros ours. C'est ça. On a toujours les cadeaux de merde. Moi, c'est ça qui m'en fout. C'est les cadeaux cachés des trucs au canard. Et t'arrives. Les trucs sont en haut. Et ben non, tu peux jamais les avoir. Il y a clairement un lobby de la fête foraine parce que dans les séries, on nous fait toujours croire qu'on peut gagner ce truc-là. Ouais, dans les montages. Non. Et je te dis, à chaque fois, c'est le cadeau qui est un peu caché en dessous. Tu fais, ah bah non, ça c'est maintenant porte-clés ou, ouais, voilà. Ou poisson dans une tiens, poche. T'as droit d'eau. À des balles en plastique pour un flingue que t'as pas. C'est ça. Je vous trouve hyper aigri. C'est toi non, qui mais... es fort aux pinces. Moi je suis très fort aux pinces. Ah ouais. Non, après je veux pas tout ramener un truc à moi. Japonais, attends, c'est quoi, les le grappin de Toy Story quoi. Ah ouais, t'as ça, j'ai une certaine technique. Ouais, il est pas mal. Et surtout, je peux tout de suite te dire si c'est une arnaque. Ah oui, quand je joue, tu observes pas le terrain. Parce que j'y arrive pas, mais je vois à peu près le truc. Et là. C'est clair, ça. Au bout de 3-4 heures, je peux vous dire si c'est une arnaque ou pas. Est-ce que j'ai la résistance du grappin? Parce que parfois, ils sont mous. Ouais. La vraie technique, c'est ceux qui sont souvent près du trou, justement. Enfin, là où t'es censé les faire tomber. Et si là, une fois que tu le mets à moitié sur le trou et sur la peluche, ça n'arrive pas à le choper. C'est qu'elle est truquée. C'est qu'en fait, ça n'arrive pas à attraper le truc. Quand il arrive. D'accord. Parce que du coup, le truc est plus grand, vu que t'as. Et le bout, je sais pas vraiment comment l'expliquer à l'audio, mais un bout du trou et la peluche, par exemple. Du coup, la pince, elle se referme moins, donc normalement, t'es obligé de l'attraper. Si ça l'attrape pas, c'est qu'elle attrapera jamais la peluche. Puisque, ah bah tu oui, vois, totalement. Fatalement, c'est plus grand. Parce que c'est ça ta technique pour attraper, c'est utiliser le rebord du. Non, de ça c'est pour dropper le. Non, moi, ma technique, c'est juste de voir celle qui est la plus dispo et tout. Mais ça, c'est ma technique pour voir si c'est une arnaque ou pas. Ah. Après, je dis ça, moi, j'ai vu. Enfin, voilà, j'ai bourlingué, hein, j'ai vu des gars en attraper sur des machines. Ça m'est pas arrivé du jour au lendemain. Et la technique que donne le petit au début de Squid Game là. Ah, c'est quoi? J'ai pas regardé. Mais dites-nous, c'est quoi? C'est au début. C'est pas une info importante. Non, c'est pas. Bah, non, mais il aide un mec. Bah, du coup, c'est pas intéressant. Et bah, regardez Squid Game. Il aide, mais il donne pas de technique. Si, il lui dit. Si, tu sais, il dit il faut y aller doucement et puis faire tel truc. Mais souvent, faut les bouger en fait. Souvent, tu dois. En fait, il faut être d'accord. Ah, c'est comme les flippers. En gros, c'est. Tu fais un petit coup de cul. C'est ça, tu fais un peu. Exactement. Tu fais un peu 2-3 coups pour rien, juste pour l'armer de bien, et après, tu peux la choper. Excellent. Après, vous pouvez aussi. Ça reste quand même moins cher d'acheter directement les peluches, évidemment, bien sûr. Sur AliExpress, je mais ça, tu peux mais toujours. 10 centimes. Et ça, tu peux toujours négocier d'ailleurs. C'est ce que c'est. Tu peux leur demander de les replacer. Non, mais tu peux acheter dans le dos de tes enfants. J'ai un pote qui a fait ça. Mentir à ses enfants, donc. Ouais, du coup, ça perpétue pour les enfants la fausse croyance que, que tu peux y arriver, alors qu'en fait, c'est alors de que la baise. C'est une succession d'échecs. Ouais, mais est-ce que c'est ça ou détruire l'innocence de ton enfant en disant, tu sais, tout est truqué. Avec cette voix. Avec cette voix en le chopant à la gorge. C'est foutu. Tu le balayes déjà. Tu le plaques au sol. Après, tu lui dis à 2 cm du visage, tout ça c'est foutu. C'est faux. Mon enfant. Mais là, papa, t'étais pas obligé de m'emmener à la fête foraine, dis-le moi avant, plutôt que le faire devant tout le monde. Ferme ta gueule, ok. Et ta mère, je l'ai jamais aimée. Mais les manèges, par exemple, t'as jamais kiffé les manèges? Attraper le pompon, la queue du Mickey, ça c'est excellent. Non. Ça c'est un sacré job. Ça c'est un vrai job. Ah ouais. Non, mais... Faire la queue de Mickey. Ah ouais, c'est putain, ouais, dur. Non, mais tu sais. Mickey n'a pas de queue. Ouais, mais ils appellent ça la queue du c'est Mickey. La queue de Mickey, le truc moi c'était le pompon. Moi. Ouais, moi ça, moi je disais pompon non, aussi. Non, nous c'était le pompon. Ah, c'est régional. La queue en l'air, la tête en bas. Allez, c'est bordé. La chenille, parce que c'est un chenille généralement que tu devais attraper le pompon. Ouais, ou dans le. Les trucs qui tournent. Moi j'avais peur de ceux qui volaient. Tu sais, tu pouvais avoir les avions qui se lèvent. Et avec les bruits de terrain hydraulique. Toujours cette peur de ne pas redescendre. Ouais, c'est ça. Ou taper. Ou taper le sommet du truc. Comme avec les chaises volantes, que ça se décroche et que tu passes. Tu sois. Mais tu sais que ça, c'est ma plus grosse angoisse. Vraiment, mon vertige, c'est si j'ai pas les pieds sur quelque chose. Ouais. Et j'ai fait un parc d'attractions aux États-Unis, Six Flags, où il y a ça, t'es tenu que par les épaules. Et du coup, tu pars. Et vraiment, moi, pendant tout le truc, je voyais le truc lâcher et voler, genre trop loin, c'est traumatisant. Vraiment horrible. Là, au parc Astérix, t'as ça aussi. T'as le truc. J'irai jamais. J'espère qu'il nous écoute. Et bah, Max n'ira jamais. Les Romains vont les plier. Une bonne fois pour mérite. Bien fait pour leur gueule, avec leur jeu de merde là. Lisa, toi, pas très manège, j'ai l'impression. À chaque fois, tu disais qu'on était aigri. Toi, tu préfères les fêtes foraines. Non, mais moi, j'ai grandi dans la petite ville où il y avait la fête foraine à chaque fois à la rentrée. Donc, c'était l'événement où on se retrouvait tous. T'avais un feu d'artifice ou pas, toi? Nous, il y avait un petit feu d'artifice avec. Non. Non. Non, moi je suis les 14 juillet, alors le feu d'artifice, je connais bien. Non, par contre, fête foraine, churros. Ah oui. C'est synonyme c'est cool, pour ça, moi de churros, et donc il faut que j'y aille. Ceux de la foire du trône, la foire Tuileries là, cette année, très mauvais. Ah ouais. Ils sont pris le Covid dans la gueule, hein. T'as très déçu par les churros cette année. N'y allez pas. Mais tu peux acheter ailleurs des churros d'ailleurs. Enfin, à Paris. Il y en a à Bastille. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que pas en plus. Mais c'est synonyme pour moi, voilà. Churros fête foraine. C'est un peu comme la barbe à papa en fait. Tu te dis pas dans la vie. Je vais en faire. À 15h, je vais aller acheter de la barbe à papa, ça va être chambé. Tu te balades dans la rue, tu es avec une énorme barbe à papa. Non, j'aime bien l'ambiance néon, lumière, mauvaise peinture. Ouais. Et bande de potes, moi. À chaque fois, je vois des gens en groupe et je fais la vie. Et ça nous rappelle pas moi, mais. moi, c'est pas mon truc, mais eux, ils sont super. Tu te fais la maison du rire depuis 29 ans avec tes potes, c'est toujours la même chose. Tu te prends le miroir. Je trouve ça toujours drôle, moi. Ça. Ah, par contre, moi, le truc qui me fait que. C'est que je déteste, par contre, c'est les maisons hantées avec des humains avec dedans. Avec des vraies personnes qui te frappent l'épaule. Qui te touchent. Clairement, ils te touchent. Je l'ai fait la dernière fois. Et un mec te touche. Ah là là. Nickel. Nickel. Et nous, on a une anecdote c'est... avec aujourd'hui, Max non. là-dessus. C'est quoi? On est allé à Universal Studios à Los Angeles. Ouais. Et il y a une maison hantée avec des gens à l'intérieur qui font beau. Ouais. Et moi, c'est vraiment le truc où je peux partir en patate très très vite. Donc, le premier gars qui a fait bouh, je me suis retenu à très peu. Et je lui ai dit, mec, il faut que tu me fasses sortir, s'il te plaît, parce que je risque de blesser tes camarades, tes collègues. Et il m'a dit, mais non, mais c'est bon. Et j'ai un peu insisté. Et il a dit, bon, bah d'accord. Et il m'a fait sortir à déguisé. La première. C'est un peu marrant, un mec déguisé en zombie. Ok, excuse-moi. Okay, pardon, on revient bien par là, c'est ici. Oh, viens, on va fumer une clope. Et il m'a fait sortir, et du coup Max, alors qu'on est rentrés tous les deux, a dû faire tout le reste de la maison. En plus c'était un après-midi, il n'y avait pas grand monde. Voilà, c'était en plein décembre, le parc était vide. On est arrivé à la première heure, c'est le premier truc, on rentre, il n'y avait vraiment personne. On était seuls tout dans le truc. Là en plus Lucien le raconte complètement à son avantage parce qu'en vrai, il a frappé un gosse moi je me chie dessus, je hurle et enfin je suis pas bien quoi. Et la maison était vraiment mais terrorisante quoi. C'était il y avait les trucs les uns après les autres, c'était vraiment horrible. Aucun réconfort pour Max parce que je suis sorti direct. Mais je croyais que justement au States il y avait ce truc où ils ont pas le droit de te toucher. Genre vraiment ils font un truc de ils te touchent pas mais ils s'approchent, c'est ça, ils te touchent pas. Et c'est celle avec les mecs des films d'horreur les uns après les autres. Ouais, c'était terrible. Le premier non, en vrai c'était charmé. Moi je le recommande mais ouais. Je l'ai refait pas longtemps après et il y avait d'autres groupes et tu sais t'entends les gens crier plus loin et tout, tu dis ok je me prépare là et seul tout c'est horrible. L'Ouzbékistan a décidé de récompenser ses habitants avec une prime de 23 centimes, un peu moins que tout à l'heure. Ah ouais. À chaque fois qu'ils feront une activité bien précise, je vous demande laquelle. Ramasser des déchets. Non. Ramasser un masque. Non. C'est quelque chose qui a un rapport avec le sens civique quand même. Faire un pas ton pays. Civique. Non, pas vraiment. Plutôt non. Un truc perso. Ah, un truc d'hygiène. On s'approche. Se... Brosse-toi les dents. Non, mais ce serait de mettre du déodorant. En France aussi, ce serait une bonne prime. Mettre du gel hydroalcoolique. Non. C'est Covid. Alors c'est un peu related. Covid, mais cherchez pas parce que ça va vous perdre. D'accord. Donc, De se laver les mains. Trop non. Tard. Trop tard, c'est dans ma tête. Je pense qu'à ça. C'est fini maintenant. C'est dans ta méta. Non, je peux vous aider. C'est-à-dire rester chez eux. C'est lié à ça. C'est le fait qu'ils ont. C'est plutôt la fin du Covid. Ah, se confiner du coup. Non, justement. Ah. C'est parce que le confinement est fini. De sortir. Ah, de ressortir. C'est lié à ça. Mais 23 centimes, qu'est-ce que tu vas faire avec 23 bah justement, centimes justement, ouais, 23 centimes plus 23 centimes. Plus 23 centimes. Attends, ça fait quand même ça un budget de 250 balles. Un bon 1,20€. Mais comment tu prouves que tu es sorti? Tu vas voir. Non, non, mais c'est pas sortir. Ah. C'est lié à une activité du fait de sortir. Tu vas faire les courses. Aller au théâtre. Non. C'est faire une activité culturelle. Non. Est-ce que c'est un truc de relance du pays? Pas du tout. Non, non, donc, c'est vraiment personnel, c'est pas culturel. C'est le plutôt... gouvernement qui veut encourager cette activité. Faire un c'est footing. Tu disais hygiène tout à l'heure, c'est hygiène de vie. Voilà. Faire un footing. Faire du sport. Pas très loin. C'est plus, je peux même plus ou moins te l'accepter, mais c'est pas vraiment cool. Ah, t'as dit quoi? Faire de la vélo. Corde à sauter. Non, pas faire du vélo, pas faire un footing. Du roller, du rameur. Un curling. Juste marcher au lieu de prendre les transports en commun. Faire 1000 ah, pas oui. Par jour. Ah, non, mais c'est pas mal. 10 000 pas, pardon. Ah, ouais, ah, ouais. Parce que 1000, c'est très peu. 1000, c'est vraiment faire la lettre. C'est 23 centimes aussi, donc. Ouais. C'est les habitants qui marchent plus de 10 000 pas par jour sont récompensés de 23 centimes. Alors, c'est grotesque, pardon, mais. 23 centimes par jour, mais ça, je vous donne 23 centimes. On ne sait pas quel est le niveau de vie. C'est alors déjà peut-être des centimes de bitcoin, mec. Peut-être. Ah. Oh, ah et oui. Là. Alors c'est 3000 sum, 23 centimes d'euros. Ah, c'est pas du tout la même chose. Non, non. Et c'est une somme non négligeable dans ce pays où le salaire moyen ne dépasse pas 245 euros. Voilà. Ah oui. S'y remettre à d'accord. Ce voilà. Donc on arrête de juger. Voilà. Donc il y a moyen de s'acheter une petite baguette. Et surtout qu'il y a des prix spéciaux rajoutés, puisque quand tu as fait. Si tu les fais tous les jours, les 10 000 pas. Ça peut faire une belle somme au bout de. Attends, mais c'est 23 centimes par jour ? C'est par 10 000 pas. Par ouais. 10 000 pas ? Donc, ouais, si tu fais 10 000 pas tous les jours, t'en fais 50 000. Pardon. Et c'est une appli, en fait, tu télécharges une appli, comme pour l'iPhone, quoi, qui compte tes pas, voilà, c'est ça, et du coup, tu montres ça et tu touches ton argent. Il y a grave moyen de gruger. Bah, tu mets ça sur ta machine à laver et ça fait comme si ça faisait des pas, et hop là ! Comme le podomètre Pikachu. T'as le truc GPS aussi, enfin bon, bref, je sais pas comment c'est. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, 18 000 personnes ont participé à l'initiative. Du 10 juin au 13 septembre, le gouvernement ouzbek a versé à ses citoyens l'équivalent de 9,4 milliards de sum. Ah oui, ça va avoir 750 000 euros. Ah oui, mais c'est 3 à chaque fois, il faut remettre un euro. Ouais, mais 750 000 euros. 750 000 euros total. Depuis novembre dernier, ça a été obligé aussi les fonctionnaires à faire du sport une fois par semaine et organise régulièrement des compétitions rassemblant les employés des administrations publiques et leurs familles. Moi, je trouve que ça, je les adore. C'est lié au Covid pour. Sartek les Ouzbeks. Non, c'est bien. Sartek les Ouzbeks. Qui a fait sa grande entrée? Ce sera la dernière question. Qui a fait sa grande entrée au musée Grévin la semaine dernière? C'est Squeezie, bien sûr. Squeezie first. Quelqu'un c'est... de mal fait. Non. Alors oui, forcément. Oui. Quoique, peut-être, justement, ce n'est pas une personnalité vivante. Donc pour le coup, ça peut être quelqu'un c'est de Bill pas du si Big mal Deal. Fait. Ce n'est pas Bill du Big Deal. Attends, ce ne sont pas les Easy Pots. C'est une personne morte ou une personne qui n'est pas humaine? Quelqu'un qui n'est pas vraiment humain. Ah. Non, c'est ouais. Titeuf. Michael non. Jackson. Mais je crois que Titeuf y était déjà, je crois. Ah ouais. Non. Quelle angoisse. À un moment, il y avait pas mal de personnages de BD. Il y avait Marsupilami. Il y avait une. Enfin, des souvenirs. Oui, c'est ça. Il y avait Gaston, oh, Lucky Luke, Marsupilami. Alors, est-ce que c'est un personnage de BD? Ce n'est pas un personnage de BD. De film? De jeu pas vidéo? De film. Pas de jeu vidéo. De série? Pas de série. De dessin animé? Pas de dessin animé. De livre ceci pour dit, enfants. Ceci dit, il y a peut-être eu des dessins animés. Ah. Et pas de livre pour enfants, mais ceci dit, il y a peut-être eu Tintin. Des livres pour enfants. Non, non pas dit. Pas de BD. Attends, parce que là, on a beaucoup de trucs. Oui. Vous avez dit beaucoup. C'est mythologie. Non, Hercule Poirot, pas la mythologie. Est-ce que c'est une mascotte sportive? Pas une mascotte sportive, oh, mais tu t'approches. On est sur une mascotte. Footix, une mascotte. Il était temps. Ouais. Putain, Footix enfin, merci. Footix, ça arrive. D'où là? C'est trop tard, les gars. Ça y est, ils ont reçu ma pétition. Ah, Jean Mineur de cinéma. Non. Ah, putain, les mecs, je me suicide. Le vibre d'homme. Je hais Jean Mineur. Pourquoi? Je sais pas. Il est anxiogène, Jean Mineur. Il arrive avec sa serpe et tout. Il te regarde. Toi, t'es bien. Tu vas regarder ton film. Et lui, il arrive. J'aime bien que Max il dit. Oh, Lucien déteste tout et n'importe quoi. Jean Mineur, c'est pas pareil. C'est mon frère quand même. On a un lien de sang. Il y a quelque non, mais tu sais, t'arrives au cinéma, t'es bien, faut s'énerver un ah moment. Ouais, et moi, pas. C'est Jean Mineur. Vous penserez contre... à moi là, quand vous le verrez, vous verrez qu'il est malsain maintenant que vous le savez. Moi, Jean Mineur, c'est surtout qu'il faut. Enfin, c'est toujours le. T'as fait un sketch le... Moi, j'ai fait un sketch qui s'appelait Le Mineur du cinéma. Ah oui. Et, mais Jean Mineur, c'est surtout qu'ils ne mettent pas à jour le dessin animé, quoi. Ça fait des années que c'est le ah, même. Ah si, petit... ils l'ont fait en 2000. Il y a 20 ans. Oui, c'est ça, il y a 20 ans. Il faisait même du surf sur un ticket de cinéma. Il continue, ça y continue. Moi, c'est quand il a commencé à faire des placements produits que j'ai été déçu. Oui, quand il mettait ses lunettes à Fleu Loup parce qu'il visait mal. mal et tout. Là, il y a un truc qui s'est cassé pour moi. Et quand il nous expliquait la 3D. Ah, c'était pas relou aussi, t'as pas vu ça. Puis quand il s'est radicalisé, surtout. Ça, on a tous été super choqués. Genre, mec, c'est vrai. Quand il a fondé Daesh. Pas toi, Jean. Pas toi. Vous avez pas vu sa blackface sur internet avant un film. Mais quand vous disiez mascotte, tout à l'heure vous avez dit plein de choses, séries, BD, livres. J'ai dit peut-être qu'il y a eu des livres pour enfants et peut-être qu'il y a eu, tu as dit autre chose, des dessins animés. C'est français ou pas? Pardon. C'est une mascotte. Alors, j'ai vérifié. Ou belge? Est-ce que c'est francophone? Tu sais oui. pas. Je crois que c'est francophone, mais vu que d'accord. je ne sais pas c'est certain. Nounours. Est-ce que c'est un mammifère? Peppa Pig. C'est... Non, mais c'est un mammifère. Ah bah et je vous le dis, droit dans les yeux. Donc c'est un animal. Il a... Donc c'est un sanglier. C'est un sanglier alors. Faut chercher une mascotte sanglier. C'est un animal. Je vérifie si, est... si cet animal c'est est français. C'est le coq français, tout simplement. Non, bah, ah, pas le coq français. Ah, mais c'est une mascotte. C'est pas un ouais, une mascotte. Putain, mascotte. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Bah oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Bah, je crois est-ce que c'est genre français Marianne ou un truc comme ça? Non, hein? C'est pas Marianne. Alors, est-ce que c'est. Alors, non, tu dis que c'est un mammifère, donc c'est un animal. C'est un animal. Donc, ah. C'est pas. Le... Ouais, non. Un animal qui est un peu dans le... la culture globale, mais. Qu'on connaît tous. C'est pas l'ours butagaz, par exemple? Non, non, non. Est-ce que c'est pas la mascotte d'une marque? C'est TLM. Non, c'est pas la mascotte d'une marque. D'une vous entreprise Michelin, non, pas d'une entreprise. Et ce n'est pas le bonhomme vert de cet TLM. Attends, c'est pas la mascotte. C'est si triste. Si, il y a des mascottes. Mais à une époque, pour les gens qui font des selfies à côté, surtout. À une époque, ils commercialisaient d'ailleurs, on jouait souvent ces mascottes dégueulasses. Moi, je me souviens. Ouais, le Bimbo de Michelin. L'ours butagaz, il était mignon. C'est ça, moi, oui. j'avais le jeu. Bah, le Bill du Big Deal, en peluche quand même. Bah oui. Je l'ai eu. Et l'ours cajoline. Lui, on a envie de l'avoir. Et le singe homo. Le singe homo, ils avaient fait des jouets, des trucs comme ça oui, pour jouer ouais. avec. Ouais, bien sûr. Oh, je vous raconte de cette époque. Non, oh, bah, ouais. À l'époque, on pouvait faire des blagues, je vous le dis. Il y avait des jouets avec les mascottes de Mars. C'était avant le wokisme. Voilà. Écoutez, hein, oh là là. Je deviens d'extrême droite très très vite. Donc attends. C'est ah la ouais, mascotte. Mais c'est. Un chat, le chat Félix. Bah non. On a tous abandonné à part Adrien qui vraiment fronce les yeux très fort. Adrien déteste quand on parle d'autre chose. Écoutez, il faut qu'on trouve le nom de l'animal. Ouais, moi aussi je. Non, mais attends. Ce qui est important, c'est que je vous disais que potentiellement il y a eu des dessins animés. Ouais. Et des livres pour enfants. Mais on potentiellement, est autour de la jeunesse, oui ou non, on est putain de merde. De... Vérifiez. Potentiellement. Excuse-moi, je prépare l'émission. Est-ce que c'est. Ah non, c'est un mammifère. Ça c'est un mammifère, ça je vous le dis. Ça ne parle pas. C'est une mascotte, mais c'est pas d'une mascotte. Ça n'a pas attaqué Shakira. C'est une mascotte d'un truc du gouvernement? Non. Quatre pattes. Quatre pattes. Mascotte. Okay. Et quelque chose de distinctif. D'une ville? Non. Putain de merde. Est-ce qu'il possède un accessoire de mode? Non. De type une casquette? Il a des vêtements? Non. Un mascotte du pays? Des lunettes de soleil? Ouais, un truc. Mascotte un truc. C'est au pays? Pas une mascotte de c'est pays. C'est au musée Grévin, t'as dit? Ça vient d'arriver au musée Grévin. Ah, c'est, tu... ah, donc c'est un truc connu, quoi. Un truc de la culture française, quoi. Vous avez potentiellement grandi avec. Surtout quand vous étiez petit. L'alcoolisme de mon père. Qui fait sa très grande entrée au milieu de Grévin. Avec une casquette. Écrit Yo sur la casquette. Non mais vous êtes casquette pas loin. Ricard. Non mais vous êtes pas si loin. De, avec l'alcoolisme de mon père. Ouais, non non. Waouh. Non. Mourouzi. Non non non. Donc attends, c'est un chien ou pas? Non. Bah, testez, c'est ce que vous avez cheval, fait là avec Shakira, pas Shakira. Un chat. Plus est-ce exotique. Est-ce que c'est un animal de la. Ok, je m'arrête. Un singe. Ah. C'est un animal de la ferme donc. Non. Du coup, non. Ah, c'est un animal de la ferme? Non, il est ah, exotique. Et il a quatre pattes. Est-ce que c'est Hugo est-ce que c'est un Délire félin? Ce n'est pas un félin, ce n'est pas Hugo Délire. Est-ce que c'est un zèbre en hommage à tous les zèbres? Bah, moi je suis zèbre, moi aussi je suis zèbre HPI. Est-ce qu'il est de la famille de l'éléphant, de type rhinocéros? Non, mais dans ces régions-là, on peut trouver cet animal. C'est un animal de la savane. C'est le roi lion. Pas un fennec, pas un lion. Pas un tigre. T'as dit quoi, animal de la savane? Oui, je pense. Oui. Je pense. Mais comme tout à l'heure, tu as vu, j'étais moyen sur les animaux. Cherchez peut-être d'autres choses pour ah, nous. Ah, c'est l'oiseau de Marc Dorcel. Non. Non. Le tout. Jouer pour enfants. Ouais, bien sûr. Vous savez grandi avec. Ah, Sophie la girafe. Sophie la girafe. Oh, ah, oui, oui. Excellent, bravo. Et oui, Sophie la girafe. Ah bah oui, Pouet Pouet. Et oui, qui a rejoint Pouet Pouet et un câlin. C'est vrai que c'est et le titre de l'article. C'est Pouet français, cocorico, Sophie la girafe. Ça fait un an qu'on travaille dessus pour reproduire la couleur, le dégradé des pattes, les taches, le rose des joues et de la bouche. Les mecs, ils étaient pas à croire que c'est du boulot. Vous branlez rien du tout. Est-ce qu'on peut appuyer dessus et elle fait Pouet Pouet ou pas? Tout le monde va essayer, ça va être ça le problème. Alors la statue, arrivée au musée ce mercredi, elle ne mesurait pas 18 cm comme le jouet d'origine, mais 1m70 pour que les visiteurs puissent la prendre dans les bras. Bonus, quand quelqu'un s'approche d'elle, Sophie émettra son fameux pouette pouette typique du jouet. Ouais, oui, mais c'est un capteur, quoi. Oui, non, tu peux pas l'attraper. Enfin, une vieille enceinte à côté. Musée Grévin. Elle sera installée à côté de la statue du petit prince. Ah. Mais c'est vrai qu'elle est sympa, Sophie, le petit prince, on aime bien ou... Ouais, alors, moi j'ai jamais lu, mais j'aime pas. Ouais. Pour moi, c'était le livre préféré de tous les gens qui avaient pas lu d'autres livres. Quoi. Oh, je trouve ça absolument excellent. Je trouve que c'est un très beau livre. Mais toi, t'as une âme d'enfant, Lisa, t'aimes tout. Mais c'est vrai que généralement, les gens trouvent que c'est le livre préféré. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a un juste milieu justement entre vous. C'est bien, tu vois. Oui, bah, c'est tout. J'aime la vie, c'est une plus ça critique les adultes. Non, mais des beaux dessins. Ça dessine des moutons. Ça fait c'est tout ce que j'ai retenu. Les meilleurs amis avec un enfant. Beaux dessins, il faut le dire. Non, mais ça fait truc poétique de merde. Oui, bah je suis entièrement d'accord. Moi, c'est la poésie. Si je vois une planète, puis protège la fleur et le dessin, je le hais. Non, c'est moche, c'est vraiment moche. C'est devenu le podcast de Michel Sardou. Non, mais à une vitesse. Pardon. Oh, écoutez, j'ai bourlingué. Le dessin du petit prince. Montre-les tes dessins, Méniel. Mais parce que tu l'as trop vu. Je fais mieux que Saint-Exupéry. Je fais largement mieux. Aviateur de merde. Que son truc d'école des beaux-arts, là. C'est minimaliste. Non, c'est mal fait. Retourne piloter des avions, tiens. Ouais. Est-ce que c'est quoi vos jouets totem, vous, quand vous étiez petit? Oh, G.I. Joe, bien sûr. Ah ouais? Ah oui, moi aussi. Bah, on est né la même année avec Adrien. Et genre, vous les collectionniez ou... Enfin, genre, collectionniez. Ouais. Jusqu'à ce que mon frère naisse et qu'il me les détruise tous. Ah là là. Du coup, c'est aussi mon jouet préféré. Moi, j'avais un grand frère qui s'en battait les reins de mes G.I. Joe, donc je les cassais moi-même. Chance. Je leur cassais le pénis, évidemment. Enfin, c'était non, mais c'était la pièce la plus fragile. C'était le pénis? Mais il y avait un pénis? Pénis ouais. Non, mais l'entrejambe. Il y avait une entrejambe. Quand t'appuyais la molette dans le dos, ça secouait sa teub. Il dit c'est fragile, donc tu vois vraiment une petite. Non, mais. Un petit truc qui dépasse. En fait, moi qui en ai beaucoup démonté, tu vois, t'avais le bassin et les jambes, et en fait, t'avais des petits crochets dans le bassin avec des élastiques qui étaient reliés. Et si tu tirais assez fort, bah tu pouvais les torturer jusqu'à ce que ça lâche. Mm-hmm. Mais en fait, entre les jambes, il y avait une partie en plastique très fine que j'appelle le pénis. Évidemment, ils n'avaient pas moulé la teub des. J'aurais adoré. Et ça se cassait tout le temps. Sophie la gira. C'est vrai. Lucien? Bah ouais, les G.I. Joe, G.I. pareil. Joe, pareil. Musclor aussi, beaucoup. Ah ouais, jusqu'à ce que... C'est marrant, je savais même pas que c'était allé, parce que moi je suis un tout petit peu après. Alors mon pauvre vieux, vas-y, dis ta phrase. Oui, bah j'ai... Parce que c'est l'inverse, si ça se trouve. Une petite coup de pression. Il y a un petit coup de pression, mais je m'en fous, j'y vais. L'attention, moi quand j'étais petit, je les ai jamais vus, les G.I. Joe et les Musclor, dans des magasins de jouets. Pour moi c'était un jouet... Très, qui se vendait aux States, mais je l'ai jamais vu en France. Ah, ça se trouvait en brocante. Tu croyais que j'allais dire quoi? Et non, je croyais que t'allais dire, je savais même pas que c'était des jouets. Alors que. Ah si, oui, ça a été Musclor, d'abord des jouets. Voilà. Musclor, oui. Ouais. Oui, en fait, le dessin animé, c'était un outil promotionnel pour les jouets. Quoi. Mais souvent, c'est le cas de plein de choses. Je crois que les Tortues Ninja, c'est le cas aussi. Non, pas les Tortues Ninja. Non. C'était une BD. Mais non, c'était je suis nul. Les Tortues Ninja, c'est un comic. Je suis nul en mammifère. Pour moi, les tortues, c'est des mammifères déjà. Donc vraiment, je vous le dis, je suis complètement perdu. On est bien. Toi, Lisa, t'avais quoi comme jouet? Peut-être les Playmobil. Ah ouais. Il y a un peu de team, Lego ou Playmobil. Ah, bien sûr. Je pense mon époque c'était plus Playmobil avec les capla pour faire pour construire des villes, des champs. Bien sûr. Une artiste déjà à l'époque. C'est un peu Tokyo, c'est un mélange de modernisme et de tradition. Les Playmobil, c'est Tokyo. Voilà. Tout simplement. Avec les capla, sinon. Non. Bien sûr. Pénélope. Moi j'avais pas mal les jouets de ma grande sœur, donc pas forcément hyper intéressant, mais j'avais un copain très riche qui avait un grenier où il avait tous les jouets. On a tous cette famille. Tous les jouets. Il avait tout. Franchement, il avait tout. Ce bâtard, il avait vraiment tout. C'était t'en manques dans le En fait, il avait une maison et puis le grenier c'était la salle de jeu, ce qui pour moi déjà était ils un avaient rêve, une salle quoi. De jeu les gens. Et, jeux, et le mec avait tous les jeux et notamment il avait tout Captain Brave Star avec tout le Attends, il y avait le cheval et tout, c'est ça non? Waouh, le cheval fantôme qui va dans l'espace et le shérif. Ah oui, mais oui, Brave Star, c'est un cowboy. Et ça c'était vraiment mon rêve. Putain, parce qu'ils étaient très chers ceux-là. C'était beau, c'était très beau. Il avait une salle de jeu. Il avait une salle. J'avais un autocollant Brave Star sur mon frigo. Ah bah voilà, bah moi j'avais un copain, il avait tout. Et d'ailleurs, oui, bah c'est pas d'ailleurs. Il avait le cow-boy. Par la suite, il est devenu, j'ai appris parce que je l'ai perdu de vue, mais j'ai appris par la suite qu'il était devenu un militant d'extrême droite. Voilà. Ah, yes. Comme quoi, il n'y a pas de vengeance heureuse. Voilà. Comme quoi, gâtez pas trop vos gosses, peut-être. Non, mais ça a l'air trop cool, Captain Brest. Ah, c'était super. Ouais. Et, mais en plus, enfin, il y a un indice quand même dans ce que tu racontais parce que t'es né et t'as grandi à Paris. Mm-hmm. Il avait une maison. Oui, à c'est Paris. Vrai. Avec une salle de jeu. Ouais. Ça, est-ce que c'était ces enfants qui effectivement riche. Avaient tellement de jouets que les jouets étaient rangés par boîte? Ça c'était très stylé. C'est quand t'avais beaucoup de jouets, ils avaient bah là c'est la boîte de mes Batman. Mais non. Là c'est la boîte mais de non, mes Playmobil. Parce qu'en fait, il avait un tellement grand espace que c'était on display. C'est-à-dire que t'avais le village déployé de tel truc. C'est une salle de jeu. Il rangeait même pas. Il rangeait même pas. Certainement que quelqu'un faisait la poussière. Ouais, c'est ça. C'est ça. On me regarde adulte aujourd'hui. Et c'était tout le temps. Et c'était genre, je sais pas, tu préfères qu'on aille du côté de mes Playmobil ou du côté de machin. C'était Ricky ou la belle vie quoi. Il avait tout. Putain, c'est raciste. Maintenant c'est un raciste. Maintenant c'est un gros raciste. Non, déjà à l'époque. Sûrement. Moi j'avais un pote mon pote Yves, un de ses meilleurs potes qu'on ne connaissait pas beaucoup, on l'avait croisé une ou deux fois. Il avait 100% des Kenner Star Wars. Des quoi? Des Kenner Star Wars. Ouais, les figurines. Il avait également le Kenner. Les figurines. C'est la marque de figurines officielle de l'époque. Dites figurines. Et il avait. Dites figurines. Il les avait toutes. Mais tout le monde sait. Pas du tout. Tout le monde ne vit pas dans ton monde, dans l'espace, dans une galaxie très lointaine. Je connais les refs. Un avis sur Antoine de Saint-Exupéry? Moins bien que Star Wars. Ah ouais. Oui, moi. Enfin, mon père, il les avait tous aussi, les Kenner. Enfin, il les achetait beaucoup. Et on a repris un peu. Les figurines. Ouais. et du coup, il a perpétué un peu la collection quand moi, je suis plus né de la trilogie d'après. Et du coup, je prenais les Hasbro. Non, mais c'est très bien. Du coup, c'est un peu le. C'est la seule chose qu'on partage. Voilà. Donc, le Cinoche. Et le Raga, vous adorez le Raga. Il avait toutes les figurines de Bob Marley and the Wailers. Il avait tout. Tous les Wailers. L'intégralité des Wailers. En figurine. En Kenner, pardon. Chers amis, et Pénélope, on va bientôt te. Et Pénélope, on va me laisser dans 13 minutes. Dans 13 minutes. Mmh. Bah écoutez, alors je vais d'abord. Les... 18. Oh là là. Oh la générosité. Oh bah je pense que le métro sera rapide. Alors disons 18. C'est oh la grande seigneur. Bon alors écoutez, on va passer aux questions des invités. Du coup, je vais d'abord privilégier Pénélope. Pendant comme ça, 18 quoi, minutes. Pendant 18 minutes, voilà. On va tous prendre un petit goûter. On va m'écouter, moi, 18 minutes. Pénélope. Là, c'est de l'audio. Belle attaque, je replace. Belle attaque sur la première syllabe. Donc là, c'est des questions, effectivement. Je replace un petit peu quand même que les invités, les auditeurs m'ont envoyé lorsque j'ai dit que vous veniez. Donc il y a plein de questions sur la bonne auberge et aussi un peu sur chacun. Pénélope, tu sors bientôt une bande dessinée. Oui. Autobiographique. C'est vrai. Est-ce que ça a été un exercice difficile pour toi, plus ou moins compliqué que tes autres ouvrages? Puis il y a un merci avec 5 i. Donc c'est te dire à quel point cette personne attend une réponse. Non, c'était pas du tout difficile. Et je les ai écrites pendant très longtemps, pendant des années. Et juste à la fin, je me suis dit, j'en ai vraiment beaucoup de pages, faisons-en un livre. D'accord. Mais je me suis pas dit, je vais m'asseoir à écrire une autobiographie. Donc c'est pour ça que c'était pas du tout difficile. D'accord. Comment s'appelle la bande dessinée pour Les Strates. Et ça sort quand? Le 3 novembre. Trop bien. C'est trop bien. Pour les fêtes de Noël. Pour les fêtes de Noël, je sors également une nouvelle intégrale déculottée. Oh là là. Allez. Voilà. Retrouvez-la sous le sapin. Quoi qu'il arrive, retrouvez-moi sous le sapin. Une question un petit peu pour tout le monde. Quelle est la meilleure porte d'entrée pour un novice dans le jeu de rôle? La bonne auberge, Lucien. C'est la bonne auberge. J'ai une question un peu pour tout le monde aussi. Qui était plus... Alors, Lucien, j'ai la réponse, mais tu vas quand même me répondre. C'est qui était plus ou moins à l'aise avec le jeu de rôle? Adrien, toi, par exemple, tu en as fait. Moi, j'en ai fait il y a très longtemps. Il y a, je sais pas, 20 ans, je jouais au jeu de rôle avec mes potes. Et puis, plus du tout pendant 20 ans. Mais j'avais quand même ça dans un coin de ma tête. Je me disais, j'en referais bien un jour. Mais bon, plus on vieillit, plus c'est dur de trouver des gens avec qui faire quoi que ce soit. C'est terrible. En tout cas, moi. Personne ne m'a invité dans sa salle de jeu, je me kenner. Je t'ai invité à une lecture du Petit Prince, tu m'as envoyé chier. Alors, sur les roses, tout de suite. C'était au Festival of d'Avignon. Ça dure 4 heures. En latin. Il se dessinait des moutons sur le corps. Et Daniel Auteuil jouait tous les rôles. Vraiment, c'était vraiment chiant. Y compris le mouton. Y compris l'avion. Mais donc ouais, moi je me disais, putain, j'aimerais bien en refaire un jour et tout, mais bon, par où commencer justement? Ah, oui, de tu vois, trouver des gens qui veulent faire du jeu de rôle et tout. Et puis bah voilà, la bonne auberge est arrivée, délectation immédiate. Pénélope, toi tu en faisais aussi du jeu de rôle? Oui, oui. Depuis la plus tendre enfance. Depuis la pas tendre enfance, mais enfin ouais. Pas loin, hein, parce que toujours, disons que ça fait deux fois que je cite ma sœur, une histoire de grande sœur et d'amis qui m'ont fait faire du jeu de rôle quand j'étais adolescente, au fin collège, début lycée. Et après, pareil, un long ventre mou. Sans jeu de rôle et puis de nouveau, voilà, formidable. Le retour. Ouais. Lisa, toi tu en faisais ou tu as découvert? Pas du tout, j'ai découvert au confinement l'année dernière, oui c'était l'année dernière grâce à Lucien. Non, j'ai toujours, par contre, j'avais toujours rêvé d'en faire, mais j'étais pas avec les geeks quand j'étais jeune. Mais je rêvais, franchement, ça non, personne ne rêvait d'être avec les geeks à l'époque, crois-moi. T'étais trop cool. C'est trop facile de le dire après. Ouais, ouais. Mais vous aviez l'air trop cool, mais j'osais pas vous. Ouais, c'est ça. Enfin, si, vous aviez vous étiez en train de rouler des pelles et de faire des trucs trop cool, et nous, on lançait des dés. J'osais pas vous inviter à toutes ces fêtes. Pendant qu'on se roulait des pelles, on vous regardait, vous les geeks. Mordiller les cols de vos pulls, ça avait l'air tellement chouette. Et bien, pourtant, j'aurais bien. Non. Je baisais et à côté, j'avais très envie de lancer des dés. C'est Freaks and Geeks pour moi. Et... Donc non, je suis trop contente aujourd'hui et maintenant j'essaye d'initier mes copines à ça. Trop bien. Plus qu'essayer, tu le fais oui, vraiment. Oui, c'est vrai. Maintenant, je suis maître du jeu et pareil. Du coup, il y a plein d'autres potes qui me font. Oh, attends, j'ai vu que tu faisais du jeu de rôle. Ça te dit, on fait une campagne, un one shot. Donc, et je suis trop contente. Mais c'est vrai que c'est ton métier maintenant, d'ailleurs, on peut le dire. Avec photographe. J'ai démissionné de mon travail de photographe. Maintenant, je suis maître du jeu. Mais est-ce que tu avais ce truc? Parce que pour le coup, moi, j'étais geek, mais je jouais pas du tout au jeu de rôle. Est-ce mais que tu jouais à des trucs? Comment? Tu jouais à des trucs quand même? Tu étais joueur? Ouais, mais tout seul. Beaucoup de jeux. Ah oui, dans ta cabane à branlette. Ouais. Dans ma cabane à branlette. Pendant qu'Adrien enculait son chien. Non, mais j'étais. Ça c'est très récent. Okay. Non, on se livre. Oui, dans une private joke. Oui. Tu pourrais mourir d'ailleurs. Non, j'avais pas de jeu de société moi parce que je jouais beaucoup tout seul. Donc je jouais souvent aux jeux vidéo. Ah oui, d'accord. Beaucoup, voilà. Donc mais ça avait l'air très cool de l'extérieur, mais surtout ça avait l'air très compliqué. Moi, je trouve qu'il y a t'avais pas ce truc de les gens qu'en faisaient. Ah j'avais l'impression qu'il fallait un espèce de QI de 4000, qu'il fallait comprendre toutes les choses. Ouais, c'est la vie. Voilà. La première fois qu'il m'a montré les livres, j'ai dit ah ouais, ça va être. C'est épais. Il y a beaucoup de choses. J'adore les jeux de société, mais pareil, parfois on m'explique les règles et je me dis d'accord, je vais mettre très longtemps à comprendre. Ouais. Et en fait, non, c'était assez. Oui, c'est un peu l'équipe, genre viens, on joue et je comprends répondre. Il y a plein de gens qui jouent comme ça. Moi, je fais du jeu de rôle depuis toute ma vie, du coup, puisque mon frère est un énorme nerd. Et j'ai jamais lu un bouquin de jeu de rôle en entier, quoi. Faut que je l'admette. Même tous ceux que tu m'as prêtés et que j'ai gardé des mois. J'ai lu 4 pages et je fais genre. Mais parce qu'il y a une vraie volonté des grands frères et des grandes sœurs qui ont tellement envie que tu saches jouer qu'ils arrivent à te le digérer pour que ce soit cool pour toi, pour que tu aies envie de le faire. C'est très probable. Parce que moi, ma grande sœur a réussi à m'apprendre à jouer à Magic en une heure quand j'avais 10 ans. Pour ça en fait, en disant j'en peux plus d'être toute seule, voilà, il faut que t'apprennes à jouer, voilà. Donc je vais t'expliquer de manière. Et je pense que vraiment elle a bossé son truc avant, genre comment expliquer à ma sœur qui est un peu concon et qui a 10 ans. Et elle qu'est-ce a réussi dans en la une vie heure, ouais, c'est ce que ma sœur a fait avec la baise. C'est exactement ça. Elle m'a appris la baise au lieu de m'apprendre en une heure. Oh waouh. Okay. Toi, donc vous jouiez ensemble quand vous étiez plus jeune? Ouais, on jouait ensemble. Il y a eu deux phases quoi. Il y a eu la phase où moi j'avais 15 ans et toi 8. Du coup, il voulait jouer et on ne laissait pas jouer avec nous. Ah bah ouais, bien sûr. Alors, on était dans le garage et on disait non, mais va-t'en, Max. Tu comprends pas, t'es trop petit. Je comprenais tout en vrai. Sûrement. Non, mais en vrai, c'était fascinant. Moi, j'adorais regarder ça. Ils avaient l'air de beaucoup rigoler, donc je rigolais avec eux. Ouais. Et puis après, tu faisais semblant. Ouais, je faisais semblant. Puis après, ado, on a joué ensemble. Et là, c'était la consécration pour moi. J'étais genre, je suis à table des grands, tu sais, quand t'es promu. Et vous étiez tous maîtres du jeu aussi? Ou plutôt joueurs? Non, toi Pénélope, pas trop. J'ai jamais été MJ à rien. Ah ouais? Si, moi tu m'avais fait un one shot. À quoi? Bonne opportunité. De Donjons et Dragons. Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, tu vois, ça m'a vachement marqué. On peut le dire d'ailleurs aux gens, MJ c'est quoi? C'est maître du jeu. Maître du jeu. C'est-à-dire que c'est un peu le narrateur qui décide. Mais avec Max? Non. C'était Lucien le MJ quand on jouait ensemble. Ouais. Non, c'est tu m'avais fait un tout petit one shot avec des plans dessinés et tout. Ouais, j'avais cool. Pas surtout du temps à faire des plans, non. Ouais. Et à dessiner des armes. Regarde mes dessins. Non, mais c'était et à trop rédiger cool son autobiographie pour plus tard. Et voilà. Mais il y a un truc qui m'avait marqué là-dedans, c'est déjà tu avais fait les plans avec des dessins, des créatures et tout. Avec cool. Des perspectives cavalières, certainement. Voilà, ça, des trucs, mais incroyables. C'était qu'on pourrait quand exposer. Même beaucoup mieux que Saint-Exupéry, en tout cas. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Pas dur. Non. Et y a un truc moi qui m'avait marqué, c'est que moi étant un énorme nerd à qui on dit une fois de temps en temps tiens tu peux jouer, j'avais fait une fiche avec des combos et tout ça, des trucs hyper poussés, et elle avait fait que des énigmes où ça sert à rien d'avoir une bonne fiche. Et à chaque fois elle me disait non mais arrête de regarder tes fiches, y a des, c'est... réfléchis juste. Et je rentrais la tête dans le... Mais j'ai ce sort là, il est fort. On s'en fout. Voilà. Alors pour les gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, du coup, c'est très quoi ton conseil, toi, Lucien ? Donc, outre regarder évidemment La Bonne Humeur sur Twitch un dimanche sur deux. Je veux juste préciser un truc, c'est que les gens qui ont envie de jouer au jeu de rôle, généralement, parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant, les livres, ouais, de règles, etc. Ouais, mais bien sûr. A priori, c'est plutôt le maître de jeu qui se farcit les règles, quoi. Si, ouais, vous avez envie de, oui, jouer, c'est vrai que toi, tu vous peux arriver les mains dans les poches, ouais, quand t'es, ouais, joueur. Ah, comme... ça aide de connaître un peu le fonctionnement, enfin, oui, les règles et tout. Faut bien réviser ses fiches. Mais c'est le maître de jeu qui qui se tape les règles et tout, quoi. Donc, ouais, y a pas besoin de se préparer tellement pour jouer. Ouais, et puis pendant le jeu, tu peux demander un peu d'aide. Oui, voilà. Donc c'est pas. Tu peux vraiment sortir un peu du truc. Moi, en tant que MJ, parfois je mens. Je connais pas toutes les classes, ouais, mes copines qui jouent. Et je dis, vas-y, fais ce que tu veux. Ouais. Vas-y. Mais c'est ce qu'ils disent dans quasiment tous les bouquins de jeux de rôle maintenant. Il y a une époque où c'était un petit peu plus strict et un peu con que ça. Mais maintenant, ils disent les règles, c'est si vous avez envie de vous en servir. En fait, ouais, c'est un petit cadre. Mais si vous avez envie d'en sortir, c'est votre jeu, en fait. Faites-le si vous avez envie, quoi. Et bah, pour se mettre au jeu de rôle, effectivement, comme tu disais, Adrien, si vous avez une personne autour de vous qui veut bien être MJ et donc qui se tape les règles et tout ça, vous n'avez pas grand-chose à faire. Hein. Et, ouais, et aussi, la plupart des jeux modernes, y a souvent un système extrêmement simple autour duquel tout tourne. Et par exemple, Donjons et Dragons, c'est que pour faire une action avec un jet de dés, ouais, tu jettes toujours le même dé, quoi. C'est toujours un dé de 20 et tu rajoutes un bonus ou un malus qui est écrit sur ta fiche, et voilà, c'est tout. Ouais, mais même le terme un dé de 20. Un dé de 20 faces. C'est un dé à 20 faces. Le dé du Monopoly, c'est 6 faces, et ben là, il y a 20 faces. Mais par exemple, sur le Discord de la Bonne Auberge, il y a des gens qui organisent des, ouais, parties de jeux de rôle, et je crois qu'ils, ouais, sont ouverts à si des, ah, gens, ouais, veulent, ouais, jouer et tout. Donc ça, mais peut ça être. Arrive il y a des souvent clubs de jeux de rôle aussi qui, ouais, ont toujours existé. Ouais. Et je rajouterais un truc, c'est que le jeu de rôle, c'est un des rares jeux où en fait, si tu perds, t'as autant de jeux que si tu gagnes. C'est-à-dire que si ce que t'as entrepris, ça foire, bah l'histoire elle s'arrête pas en fait. A priori, ouais, tu continues, ouais, et du coup c'est assez décomplexant quand, ouais, tu joues. Tu dis bon bah vas-y, je fais le truc. C'est et pas puis, le Monopoly où t'as déjà hypothéqué trois trucs et tu fais bon de toute, ouais, façon là. Et là c'est vraiment plus fun du tout. Alors, ouais, que en fait non, bah si tu foires de sauver le monde, bah ok, maintenant va falloir gérer l'apocalypse. Enfin, ouais, d'accord. Très bien. Pénélope, on va peut-être devoir te laisser. Dans 3 minutes. On va conclure du coup. Okay. Sur toi, Pénélope. Peut-être recommandation culturelle et tu montes. C'est ce que j'allais dire. Alors, Pénélope, bah, pas monter, parce que les gens vont deviner, vont dire pourquoi elle parle plus pendant 20 minutes, Pénélope, qu'est-ce qui s'est passé. Ah putain, vous avez des auditeurs. Non, mais tu sais, nous on est tout à fait transparent avec les gens, parce que tu dois y aller. J'avais prévu de limiter pendant 20 minutes, mais. C'est gâché. De rire. Pénélope, est-ce que tu as une recommandation culturelle pour nos amis auditeurs? Pas tes bouquins, s'il te plaît. Sachant que l'Estrade sort le 3 novembre. Ça, c'est vraiment. Non, c'est faux. Une BD qui s'appelle Le Grand Vide de Léa Murviec. Très bien. Aux éditions 2024. Ouais. Et le pitch, ça pourrait vraiment se foirer et être nul, parce que c'est une espèce de dystopie dans une société où il faut qu'on parle de toi, il faut que tu sois connu. D'accord. Et qu'on pense à toi, parce que sinon tu disparais. Ouais. Donc on pourrait se dire, d'accord, ça a l'air vraiment. Oui, c'est les textos, c'est les réseaux sociaux. Ça a l'air un truc, ça, d'abord, ouais, de boomer, tu vois, ouais, de la société du Paris. Et ouais, pas du tout, c'est trop bien. Et bien, c'est exactement ça. C'est ça. et moi, ça m'a rafraîchi. oui, c'est, non, c'est pas ça du et tout. Et pas du tout, pas, ouais, du tout. C'est beaucoup plus intelligent que ça. Et en plus, c'est hyper beau, graphiquement, c'est fou. Et je l'ai repéré parce que. Bah, je l'ai pas repéré du coup. Je l'ai lu parce que 100% des librairies où je rentrais avaient un petit autocollant. On a, ouais, adoré, tout le monde a adoré. De... Ce qui, en général, est quand même un truc qui pousse vers le haut, les livres. Et c'est trop bien. Très bien. Et le titre, rappelle-moi. Le Grand Vide. Le Grand Vide de Léa Murviec. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment formidable. Trop bien. Bah écoute, l'acheter. Merci beaucoup, Pénélope, bah, d'être venue nous voir. Donc, on rappelle l'Estrade qui sort le 3 novembre. Ouais. Voilà, en bande, voilà, dessinée, et les culottés qui sont réédités en, ouais, fin d'année. Ouais. Voilà, trop bien. Sous le sapin. Sous le sapin. Ah. Père Noël. Et sinon, la Bonne Auberge. Toi. Évidemment. Bien sûr. Évidemment. Merci beaucoup, Pénélope. Bah, merci à vous. Merci. Merci beaucoup. De passer. Une question un petit peu pour tout le monde. Toujours, on parlait de jeux de rôle. Est-ce que les figurines de PJ ont été construites avant ou après la création des persos? Après la création des persos, sur un site qui s'appelle Hero Forge, avec un accent normal, où tu peux customiser tes figurines et après tu te les imprimes ou tu les fais imprimer par le service lui-même. Voilà. Chacun a créé son personnage. Bah, ouais. Avec, ouais, Lucien, on s'est vu. Enfin moi, j'étais avec Max et Pénélope. Ouais. Et la toute et toi, première chez moi. Première session. On a créé, en fait, ça nous permettait de créer des, qu'on soit pas trois à faire le même perso déjà. Le même archétype, bien sûr, ouais. C'est important. Et puis créer une dynamique aussi déjà un petit ouais, peu voilà, au départ. Ouais. Et puis ouais, on a bah, sous la houlette de Lucien qui apprécie le mot très belle houlette, très belle houlette d'ailleurs. Houlette, ouais. Ça me plaît beaucoup. Sacrée houlette. Je suis un peu ému. Genre, je suis à deux doigts de chialer. Et puis toi aussi, Lisa, du coup, un peu plus tard, tu as créé ouais, moi avec j'ai... Lucien. Bah, nous, on l'avait fait en ligne sur Discord, je me souviens, pour les confinés, puisqu'on était tous confinés, donc on faisait les choses. Tout à fait, au téléphone. Voilà. Vous vous rappelez de cette époque ? Ouais. Ah, voilà. Quelle magnifique. À l'époque, tu devrais en faire des stories. Ça serait très marrant. Et c'est vrai que vous faisiez. C'est aussi comme ça que tu arrivais, toi, Lisa, un petit ouais. peu après. Vous faisiez ce que le jeu de, enfin, la bonne auberge confinée. C'est ça déconfinée. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Avec c'est Manon ça. Bril, avec Pierre Lapin et avec Valentin. Valentin Lormeau qui normalement est derrière les manettes, hein, puisqu'il est réel okay. dans la bonne auberge classique. Et il y avait Max aussi qui jouait un autre perso. Ah oui, c'est vrai. Et voilà, c'était. Me regarde pas mal, elle me regarde mal. Non, mais c'était. On spoil pas, on spoil pas. Elle était incroyable cette aventure. Et voilà, elle est dispo sur YouTube. Ouais, okay, que sur YouTube. On l'a pas mise ni sur Twitch, ni en podcast. Parce que. Voilà. Ok, oh non, mais flemme. Un choix. J'avoue, flemme. T'as le droit de choisir. Et voilà, elle est toujours disponible sur. Il y a une playlist spéciale. Du coup, attends, pardon, juste pour la, par rapport à la question, ouais. En fait, dans l'ordre des choses, on crée ensemble nos concepts de personnages. Ouais. Après, on fait la fiche du personnage, etc. Et en fait, après, pour l'émission, on a effectivement fait les figurines et les illustrations, mais qui ont été faites du coup sur mesure pour coller à nos descriptions, ce qu'on avait envie de jouer, etc. Et toi, par rapport à ton histoire, Lucien, tu les aides à créer par rapport à ton histoire ou tu crées ton histoire par rapport au personnage? Un peu des deux. D'accord. Un peu des deux. Il y a des trucs qui arrivent dans la bonne auberge qui sont liés intimement aux histoires des personnages. D'accord. Et ça prend de plus en plus de place. Et moi, j'aime bien ça, justement, parce que ça permet d'avoir un affect particulier, quoi. Si tu regardes Breaking Bad, c'est parce que tu t'es attaché à tel ou tel personnage et que t'as envie de savoir comment il va se sortir de cette merde. Et ben là, c'est un peu la même idée. Mais il y a un arc général. Qui aurait marché avec n'importe quel personnage en vérité. Il y a quelqu'un qui demande, alors je crois savoir que l'humour tient une petite place pour Lucien dans le roleplay, pourtant je trouve que toutes les blagues sont d'autant plus marrantes quand elles sortent un peu les joueurs de leur rôle, voir tout le monde se retenir de rire, c'est un régal et je pense que ça ne ralentit pas avant l'aventure. Quel est votre avis respectif sur la question? J'ai l'impression que c'est un peu un débat dans les jeux de rôle. Ouais, ça partage le monde. Oui, non, mais c'est ça. Alors pour les gens qui, encore une fois, je pense que là, si vous écoutez ça, vous vous intéressez aux jeux de rôle, mais moi je fais un peu le gars qui n'y connaît rien. J'ai l'impression que c'est un peu un truc qui divise deux façons de faire le jeu de rôle. Genre, on fait un peu des blagues et c'est cool et c'est pas grave si on se retient de rire et si on sort un peu du truc. Et ceux qui essayent un peu d'être à fond dans l'histoire. Toi, Lucien, j'ai l'impression que t'es un peu entre les deux. T'es pas non plus un. Moi, par je suis assez. Des choses, t'es entre les deux. Oui, c'est. Par Adrien. Non, par, t'es par pas Gradur. Est-ce qu'on peut expliquer bah, Non, mais c'est. Quand on a créé mon personnage. Lucien m'a demandé qu'est-ce que tu veux lui donner comme nom. J'ai dit Gradur. Ce qui en vrai est pas le nom qui est le plus militarisé. Non, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Dans l'univers de D&D, ça pourrait c'est marcher. C'est pas Pikachu. Quoi. Non, mais Gradur, ça pourrait être un nain. C'est pas Saint-Exupéry. Ça pourrait être un nain du Seigneur des Anneaux. Oui, bien Gradur. Sûr. Complètement. Mais je joue pas un nain du tout. Mais bon, c'était pour la blague, évidemment, que je voulais pas l'appeler Gradur. Ouais. Et après, plus tard dans l'aventure. On a dû donner des fausses identités, donc j'ai redit Gradur. C'était l'occasion. Mais encore une fois, le truc c'est que je l'ai dit, comme tu dis, c'est pas Pikachu, donc ouais. Je trouve que ça fait un clin d'œil marrant. Jean-Luc Mélenchon, oui, enfin, voilà. Un truc hyper la vraie vie, quoi. C'est pour ça que mais sinon, non, on est quand même, on a quand même à cœur de pas être. Ça arrive que je glisse un jeu de mots qui est un peu. Or, bon, mais globalement, vraiment, je me rappelle pas de la dernière fois. Non, non, non, mais des jeux de mots, j'en fais, mais généralement, ils sont dans. Ils sortent pas de. Dans la diégèse. Du lore, ouais, voilà. Ouais. En fait, c'est ça, j'ai l'impression, qui est important. C'est d'être bah, dans la diégèse. Pour nous, c'est que nous, on aime bien. Je dis nous parce que j'ai un peu influencé tout le monde, mais bah, j'ai l'impression que. T'es le master. Non, mais j'ai l'impression que tout le monde. Joue selon tes règles, Lucien. Tout le monde aime bien ça. Et nous, on essaye de garder une immersion et de. Que ce soit un minimum crédible que bah, on soit dans un monde médiéval fantastique, un monde qui n'existe pas, mais justement où c'est bizarre si tu fais des références au McDo ou à, ou à la dernière polémique sur Twitter, quoi. Ouais. Mais du coup, tu peux faire. En fait, je pense que la mauvaise conception qu'on peut avoir sur la gestion de l'humour là-dedans, c'est que tu peux faire des blagues en restant dans le jeu, en fait. Ouais, c'est ça. Et, et c'est ça que nous, on essaye de s'interdire, c'est de pas sortir complètement du truc. Et de pas tomber dans la parodie non plus. Mais ça veut pas dire qu'on fait pas de blagues. Et ça veut pas dire qu'on a raison, forcément. Hein. Oui, il y a, non, c'est y a des gens qui ont d'autres styles de jeu. Ouais, et c'est normal qu'il y ait un public pour ça. Et c'est normal. Enfin, on n'est pas mieux que les autres, quoi. C'est pas ce qu'on dit du tout. Et d'ailleurs, Lucien, tu es maître du jeu. Est-ce que tu prends autant de plaisir à animer les jeux de rôle ou est-ce que des fois, tu aimerais passer de l'autre côté? Ah, bah, j'aimerais bien passer de l'autre côté, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est un appel à tous les MJ de France. Ouais, voilà. C'est. Je pense que toutes les personnes qui sont MJ, donc maître du jeu ou maîtresse du jeu, ont l'habitude de ça. C'est, il y a la fameuse malédiction de Forever DM, tu vois. C'est d'accord. Toujours, okay. Je connaissais pas. Pour toujours Dungeon Master, parce que une fois que tu te lances dans le truc et que tu fais des campagnes, bah tes joueuses et tes joueurs autour de la table, ils disent non mais c'est bien, on continue comme ça. C'est comme quand tu vas au but au foot, quoi. En fait, non mais toi t'es fort en but. T'es fort au cage. Ouais, c'est ça, un peu ça. Ouais. Mais venez, on fait goal volant. Ce qui est goal, hein, d'ailleurs. Arrêtez avec goal volant, c'est goal. Voilà. Est-ce que vous pensez, là c'est un peu une question pour tout le monde, qu'un jeu de rôle est plus simple à jouer et à mener dans un univers fantastique, ou est-ce que ça vous intéresserait de jouer ou mener un jeu de rôle calqué un peu plus sur une vie normal. Lisa, tu disais que tu faisais par exemple des campagnes avec tes amis. Ouais, mais je fais Donjons et Dragons. Okay. Mais j'en parlais avec Adrien la dernière fois au meet-up de la Bonne Auberge. Et moi, ça m'intéresserait beaucoup de changer d'univers. J'ai jamais fait autre chose. Et d'avoir un univers actuel. Et y parler. Je vais laisser Adrien parler de son. Parce que moi, quand j'avais la. Quand j'avais t'étais petit garçon, quoi. Ouais, bien sûr. T'apprenais tes sons ou pas? En chantant. Non, mais moi, je jouais à un jeu et j'avais même. Alors, j'ai le bouquin. Je l'ai j'ai le bouquin de règles à la maison, mais je ne me souviens plus. Je l'ai lu, mais je ne sais pas si j'ai masterisé. Mais un jeu qui s'appelle In Nomine Satanis Magna Veritas, qui est un jeu où tu joues des anges et des démons, et qui se passe dans l'univers actuel. Ouais. Et en fait, toi, bah, Flaubert, ça va te parler. Oh bah, en gros, un peu c'est Dogma. D'accord. Donc, c'est justement un jeu. Dogma, où là, film de Kevin Smith avec des anges, effectivement. Et des démons, qui sont sur Terre. Ouais, qui sont bloqués sur Terre. À l'époque actuelle. Ouais. À l'époque actuelle. Et en plus, il y a une SMV, parce qu'on résume. Non. On abrévie. On abrège. On abrège. Comme ça. Bon abrège. On abrège. Abrège. Abrège, ouais. Ouais, ouais. La bonne abrège, d'ailleurs. Oh là. Ça fait mal. Non, j'ai adoré. C'est comme ça que je jouis. Ce son là, jouissance ou jeu de mots, etc. Ouais, ouais. On sait jamais avec moi. Et donc INSMV, c'est aussi un univers où l'humour justement est plutôt encouragé. Ah oui, à fond. Ouais. Et donc du coup, moi, ça, je kifferais justement masteriser une partie de INSMV un de ces jours. Pourquoi pas? Mais oui. Bon, déjà en privé, mais pourquoi pas si un one shot ou une mini campagne. Si, voilà, si jamais la bonne auberge se développe, pourquoi pas faire un petit actual play de INSMV si j'en ai les épaules. Mais bien sûr. Bâti comme t'es. Bah oui. C'est vrai que j'ai balu. T'es balu des épaules. Donc tu peux. Balu. Balu. Tu n'es pas balu des épaules. C'est une expression. Ok. De Bourgogne, bien sûr. Bien sûr, évidemment. De même de d'Austin. D'Autun le Creusot. On salue le maire geek. Bien sûr. Alors, qui a voulu gratter l'amitié. Non. Mais il était. Non, mais on peut. C'est juste petite parenthèse. Donc on était à Avignon ce week-end au Frames, et c'était pendant le même moment que le congrès La République en Marche pour lancer l'élection. Ah, parce qu'il est La République en Marche. Bien sûr. Bah, il a moins de 40 ans, donc apparemment ils sont tous La République en Marche. Jeunes, ils sont jeunes. Ah, place aux jeunes. Attends. Et il y était. Et c'est les journalistes de Combini qui viennent nous voir en disant bon, il y a le maire geek d'Autun qui est là. Si vous voulez faire un truc. Donc à 10 minutes du live, donc on était pas maintenant, non, et puis même pas toujours. Non. Mais donc le hasard était fou, il était à Avignon en même temps que nous, et les gars de Combini avaient envie de créer cette rencontre, c'est très rigolo. Vraiment, ça aurait parlé, à l'auditoire du podcast. Parce que même les gens qui connaissent le podcast, faut qu'ils savent. Sache. Ouais. Abrège. La bonne abrège. Qu'il y a un truc avec le maire ouais, et tout, c'est trois épisodes en tout. C'est quand c'est rigolo, quand c'est pas très concret, et puis quand ça devient concret, souvent c'est moins marrant. Donc restons sur un truc où c'est et pas concret. Et quand c'est La République en Marche aussi, ça c'est beaucoup moins marrant. Personne ne rigole. Ça sera jamais. Lucien, n'est-il pas frustrant parfois de voir les joueurs passer à côté de plein de choses que tu avais préparées et que tu ne pourras pas partager? Ou alors est-ce que tu fais tout pour qu'ils tombent dans des petits pièges? Alors, non, c'est pas frustrant pour deux raisons. La première, c'est que j'aime bien qu'ils me surprennent. La deuxième, c'est que ça fait partie du plaisir en fait de préparer des trucs. Ah. Non, mais c'est vrai que c'est comme, enfin, je sais pas, c'est comme quand tu fais la bouffe. Grave, ça me parle de c'est ouf. De cuisiner. Ouais, ouais, non, ça parle pas à tout le monde, mais le fait non, mais de cuisiner oui, et de réussir ton plat, c'est cool. Et si t'as une personne à table qui dit bah non, mais alors moi je mange pas de, je sais pas, t'as préparé de la viande et quelqu'un qui mange pas du tout de viande, non, bah voilà, tu lui sers autre chose et c'est cool, mais tu l'as préparé, ça t'a fait plaisir de le préparer. Voilà, on l'invite plus quoi. Et après, on l'invite plus jamais parce que les vegans, ils nous emmerdent. Attendez, je reprends mon personnage. Le wokisme et les vegans. Est-ce que vous avez juste. On parle d'extrême droite. Vous avez vu cette vidéo de Zemmour qui se racle la gorge et qui fait ouais, il fait vraiment hyper c'est fort. C'est vraiment hilarant. Donc c'est officiellement un vautour. Ah ouais, non, c'est clairement c'est un oiseau de proie. C'était quoi. Les mots de Montesquieu. Et vraiment, il est agressif. On dirait Dupontel quand il imite Rambo. Et Stallone il fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Ouais, ouais. C'est... Une merde. On peut le dire, on peut dire quand même. Oui, oui. Ah, écoutez, attention, avec de... vos propos sont un peu extrêmes, mais j'entends ce que vous voulez dire. C'est vrai en plus que Zemmour voulait faire un feat avec nous. Cela dit, alors, il était à Avignon le même week-end. Les gars de Combini ont dit bien. C'est trop con. Je digresse, mais j'ai enfin vu. Parce que vous aviez vu le truc de Finkielkraut Squid Game. Qui est, je sais pas. j'ai pas encore regardé. Squid Moi Game. Non plus. Je pense que je vais pas trop aimer. Ouais. En vrai, c'est un peu niveau Casa des Papel. Mais on... Ah, mais c'est exactement la vision. Non, je non, vois de plus non, en plus non, de non, gens non, qui disent ça. Saint-Exupéry. Alors. Non, mais vous aviez vu l'extrait où il est chez Pascal Praud, Finkielkraut, et il sait pas que l'émission a commencé. Vous l'avez oui, on dirait qu'il est décédé. Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est un enfant. Là, j'avais jamais vu la version longue en fait. Ah, je me disais, mais il y a une version longue. Et je l'ai enfin trouvé. Enfin, je suis tombé dessus par hasard sur Facebook. Et c'est incroyable parce que une fois que tu sais qu'il ne sait pas que ça enregistre, bah c'est juste, c'est grillé quoi. Ah, oui, mais oui. Sa façon de répondre. On verra. Non mais vous. Je l'ai eu. Tu vois, il dit bon bah alors je vais vous poser des questions sur ça. Puis il fait oui bah vous me direz, vous me prendrez pas par surprise quand même, vous me direz ça et tout. Donc Pascal Praud fait oui. Et donc il y a vraiment un truc de flottement ou genre horrible. Qu'est-ce que pourquoi il me parle comme ça. Et le ça enregistre, moi j'irai pas jusqu'à le prendre dans mes bras, mais il y a un petit truc mignon de. Ah mais ça enregistre là. Ouais. Oh, j'avais pas du pris dans les filets. Oh non, oh bah non. Bah c'est ça, oh, la vieillesse. Tu redeviens un petit être gosse. Innocent. Y a des comédiens autour de la table. Ouais. Comment ça s'approche? Est-ce que ça se et même pour Lisa, toi, est-ce que tu n'es pas comédienne? Tu es autant non. comédienne que photographe. Elle est photographe. Ouais, c'est ça. J'ai fait un an de théâtre. C'est quoi ta nouvelle première. Carrière ah, non mais t'as fait un an de théâtre. En première, oui, option théâtre, voilà. C'est déjà pas mal. Oui, bien sûr. Et non mais je veux dire, est-ce qu'il y a une approche de plus que moi. Est-ce qu'il y a une approche de jeu pur? Enfin, est-ce qu'il y a un plaisir de comme au théâtre? Ou justement non, c'est plutôt un truc vraiment de jeu de société, ton approche de ton personnage dans le jeu par exemple. Non, moi j'avais plus peur par rapport aux autres qui sont comédiens. Ouais, c'est donc ça. D'être ridicule. Après j'ai pas l'impression de faire du roleplay, je m'invente pas une voix, un accent, ouais, parce ouais. que ce serait terrible. pardon. Mais j'essaye. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait un jeu particulier. Bah, je me permets d'intervenir parce que t'es trop modeste. Si vous avez vu D&D Celebration, les gens qui suivent beaucoup la Bonne Auberge, on a fait un one shot, donc une aventure unique en une soirée. Okay. On appelle ça des one shot. Et bonne Lisa, opportunity, non spaghetti. Bien sûr. Je rebondis, pardon. Non, mais c'est très joli. One prize, one goal, one vision. Ouais, c'est ça. One love, comme dirait ton père. Jalove, on pense à lui. On passe un big up. Pull up. Joint. Spliff. Beurre. Un drapeau jamaïcain là. Oui, donc on a fait un one shot avec Lisa et elle parce que pourquoi je mentionne ça parce que elle nous a dépanné 2 heures avant le live. On a eu un problème, une de nos invitées a eu un problème de santé et donc elle n'a pas pu venir. On a appelé Lisa qui était vraiment en dimanche sous la couette, fatiguée, et tout genre. Elle jouait à la PlayStation, tranquille quoi, laissez-moi. Et elle est venue nous dépanner. et participé, et elle a interprété un personnage qui n'est donc pas son personnage habituel, et elle l'a super bien fait, vraiment instinctivement comme ça. Donc t'es trop modeste, il n'y a pas de je suis pas, ce serait catastrophique si je faisais quelque chose. Non, c'est vraiment super ce que tu fais, et voilà. Ouais, bah, et c'est, et bon, tu interprètes ce qui se passe, des personnages. C'est vrai que c'est gentil. Moi, j'ai des larmes sur les joues. C'est pas du jeu de comédien, je trouve. Enfin, si. C'est pas, ouais, mais il n'y a pas de niveau de roleplay, tu vois. Par exemple, même dans Mina, t'es quand même constante dans l'interprétation. Il ouais. y a toujours les intérêts du personnage, et on sent ouais. que t'as intégré le personnage quand tu joues. Oui, et puis j'ai déjà pleuré, ouais. vu que j'étais dans mon personnage, j'ai déjà chialé vraiment. Ouais, j'ai mis du temps à sortir de mon personnage. Si ça, c'est pas être acteur. Bah, t'es Marion Cotillard, voilà. Non, mais exactement, mais je suis partie après dans une abbaye pour exorciser bien sûr, mon bien perso. Sûr. Mais moi, c'est ce que j'appelle les gens qui ont l'instinct de, d'acteur et d'actrice. En fait, c'est, oui, c'est naturel. Qui font pas de l'anti-jeu, enfin, qui sont dans un espèce de truc un peu cool pour l'aventure, quoi, pour l'histoire. Ouais. Ça, c'est et comme en impro, tu vois, qui cassent pas les codes de tiens, on a dit qu'on était rentré dans une voiture, on la mime, et tu vas pas sortir te lever sans ouvrir la porte de la voiture alors qu'elle est pas là. Et ben ça, c'est un instinct, et Lisa, elle a 100%. Quoi. Et un autre truc qu'on fait tous, c'est que j'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, mais on n'a pas de problème avec perdre ou faire des erreurs, et souvent nos personnages font des conneries parce que juste on se dit bon bah voilà, il l'a pas percuté, toi tu sais très bien que c'est débile de faire ça, mais et ça c'est ça fait partie du roleplay aussi, quoi. C'est pas chercher la gagne à tout prix et juste rester dans ton perso. On va bientôt passer aux recommandations. J'ai une dernière question très précise d'un fan de La Bonne Auberge, donc ça m'a fait sourire. C'est dans la saison 2 épisode 30, Bain de sang, donc c'est vraiment un gars qui est très calé. C'est un épisode récent. Donc je vais peut-être, bon, tu me dis si ça spoil, on répondra pas. Et au début du combat, Hopiter aurait-il pu étouffer le Mérou en lui lançant son sort de liberté de mouvement et ainsi le piéger dans une bulle d'air? J'arrête pas de me poser la question. Ah. J'adore cette question. Il aurait pu. Le mec dort très pas. Spécifique. Ouais. C'est marrant. Alors, tu vas pouvoir dormir à nouveau puisque en fait. C'est pas une créature qui est volontaire, non? C'est pas ça? D'une, c'est une créature volontaire. Au contact. Ouais. Et de deux, je l'ai décrit comme une petite bulle, fine bulle d'air qui était autour de Mina et du coup elle pouvait se déplacer. Machin, mais c'est pas ça l'effet du sort, c'est pas que ça crée une bulle d'air. D'accord. Donc ça aurait rien fait. Bon, voilà. Donc voilà, tu peux dormir sur tes deux oreilles. On va passer aux recommandations. Lisa, est-ce que tu as une recommandation culturelle à faire à la France entière et même le Benelux, hein? J'en ai deux. D'accord, ah ouais, très bien. J'en ai deux. À chaque fois quand j'écoute le Floodcast, Adrien, il en a deux, trois. Donc j'en ai deux aujourd'hui. Voilà. Premièrement, parce qu'il y en a une qui est vieille, c'est la série Six Feet Under. Bien sûr. Je tiens à le dire parce que je l'ai enfin vue. Et c'est la meilleure fin de série. C'est un chef-d'œuvre. Je me suis maté la fin 5 fois d'affilée pour bien vider toutes les larmes de ton corps. Ouais, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai passé un super moment. Et plus récent, là, je joue à un jeu sur PlayStation 5 qui s'appelle Deathloop, qui est sorti la semaine dernière. Ça me tente beaucoup. Qui est sorti la semaine dernière. Et au début, j'étais pas très chaude sur les graphismes, par exemple, ou je sais pas. J'ai joué à Ghost of Tsushima dernièrement, c'était magnifique. Là, je me suis dit bon, je sais pas. Mais le principe, donc, c'est tu as un personnage qui doit casser une boucle temporelle. Tu dois tuer des visionnaires, on essaye de t'empêcher de casser une boucle. Pourtant, je suis pas fan des trucs de. Ouais, de c'est un peu boucle. Un jour sans fin, tous ces films-là. Je suis pas normalement fan, je ne m'arrête pas. Mais sur un jeu, c'est intéressant. Sur un jeu vidéo, parce que c'est même le concept. Il y a un film qui est sorti qui s'appelle Boss Level, qui est un film de boucle temporelle, et c'est un peu ce concept de jeu vidéo, quoi. C'est que tu recommences au début. Tu refais le boss parce que t'as pas réussi. Là. Bah là, tu dois les tuer, et après, tu as le matin, le soir, les personnages sont pas au même endroit, et t'as 1000 quêtes secondaires, et je passe un excellent moment. Et c'est sur quoi? C'est sur PS5. Sur alors PS5. J'ai pas PS5, mais PS4 aussi, non? Et PC, non? Ah bon, non. Mais PC, ouais. Mais pas PS4, non. C'est que PS5. Non, PS5. Donc mon ami Cyrus North m'a prêté la PS5 pour 2 semaines. J'ai un contrat. Tu conseilles l'amitié avec Cyrus North, déjà, pour avoir une PlayStation, ce qui est déjà pas mal. Aussi, mais très très bon jeu, vraiment. C'est marrant ce que tu dis, les graphismes sont pas ouf, donc déjà sur la PS5, c'est alors, ça en fait, dingue. Si tu fais un effort, les gars. Si tu sens que la PS5, les graphismes peuvent être fous. J'imagine le jeu Kena qui est sorti dernièrement. Ça a l'air incroyable, mais Deathloop, ils n'ont pas poussé, je trouve, eux, le graphisme en interne. dans leur boîte. Mais c'est rigolo parce que moi, tu vois, par exemple, c'est tellement pas un compliment que je mets sur un jeu. Enfin, tu vois, je m'en fous des graphismes. Donc, je trouve ça toujours intéressant des gens qui trouvent ça stylé de se dire, tu vois, que tu parlais de Ghost of Tsushima, Tsushima. Ouais, qui est magnifique. Voilà, c'est ça. Et moi, jamais, quand je joue un jeu, je me dis, enfin, j'ai pas besoin que ce soit magnifique. Tu vois, tout le monde, quand j'ai eu Cyberpunk, là, tout le monde disait, putain, c'est une honte, c'est dégueulasse. Moi, je suis en, ouais, mais c'est cool, je peux conduire ma voiture. Ouais, moi, je trouve ça un beau peu quand un même. Truc. Ah, oui, moi, je trouve ça quand même beau. Ouais, ouais, après, t'as des parties pris graphiques parfois qui sont juste dégueulasses et qui te sortent du truc. Bah, moi, souvent, je m'en fous. Enfin, après, les graphismes me gênent pas, quoi. Après, c'est vrai que Spider-Man, j'avais adoré, par exemple, que ce soit vraiment sans fin et des trucs comme ça, mais je suis pas. Quand il y a un perso qui bug un peu, machin, c'est vrai que par exemple, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est un bonus pour moi. Oui, voilà. Moi, pour moi, c'est le gameplay est primordial. S'il est bien, tout le reste peut être merdique. Complètement. Je kiffe le jeu. Ouais, mais c'est le premier jeu PS5 que je m'attendais à être. Non, mais en plus, c'était pas du tout. C'est juste, c'est intéressant. C'est que c'est des trucs qui. Mais c'est comme les films, quoi. Il y a des gens, ils vont me dire, ah là, la mise en scène, ça m'a sorti le truc. Et des gens qui diront, bah moi, tant que l'histoire est cool, enfin, tu vois, chacun se trouve un peu. Après, il y a des films très très beaux, c'est de la merde. T'as ton film, c'est de la merde. Bah, ça, ouais, ça, chacun. C'est un bonus. Exactement. Drive. Moi, j'ai joué au jeu Dwarf Fortress, qui est un jeu un peu de genre gestion de. C'est assez dur à décrire. Gestion de ville, en gros. Où t'as il est en mode genre, texte. Tu fais une forteresse avec en des mode, nains. Il est en mode texte. Non, pas en mode texte, il ne fait pas de blague misogyne, le jeu. Non, en mode texte, c'est-à-dire que c'est que du texte. Les graphismes, c'est le personnage, c'est le symbole dollar. Mais tu en avais parlé, je crois, dans le podcast. C'est pas le jeu c'est un jeu Minitel ouais. Non, c'est pas celui-là que tu avais conseillé. Non, je pense pas. Pardon. C'était peut-être. J'ai oublié. C'est pas celui-là, ok, autant pour moi. Mais voilà, donc c'est pour dire que voilà, les graphismes peuvent être très secondaires. Et c'est un jeu ultra prenant d'ailleurs. Ouais. Qui est affreux et qui va mettre votre, qui va mettre votre PC à genoux en plus, c'est ça le pire, quoi. Ah ouais, alors que c'est du texte. Voilà, mais parce que ça n'est pas du tout. Enfin, ça demande. Voilà, c'est une reco comme ça. Que tu passes, Dwarf Fortress, mais faut s'accrocher, quoi. Tu veux dire que c'est pas tes reco là Non, parce que t'as une deuxième recommandation, Lisa, surtout. Non, c'était bon, c'était Six Feet Under. Ah oui, c'est vrai, la série, mais vu que ça a 20 ans, je me suis dit, je vais prendre un truc très récent. Donc la sortie, encore une fois, un mélange de modernité et de tradition. Et de tradition. Oh, c'est beau. La célèbre photographe. Adrien. Alors, moi, d'abord un compte Insta d'un mec qui s'appelle Asher Perlman. Alors attends, je vais juste. Stéphane Asher, par contre. Stéphane Asher qui souhaite absolument déjeuner en paix. Enfin, en revanche, c'est sa meuf. Lui, lui, aimerait discuter, mais elle lit le journal en riant, donc forcément. Asher Perlman. A-S-H-E-R. Perlman. Elle regarde à peine et tout. C'est un mec qui fait du. Alors son compte Insta, c'est du dessin de presse. En gros, il fait des dessins dans le New Yorker parfois. Et je le trouve très très intelligent et très drôle à chaque fois. Et il est aussi auteur sur le Late Show de Stephen Colbert. D'accord. Donc, le mec, c'est-à-dire que c'est la version Pokémon de moi. C'est-à-dire que le mec il est auteur sur un truc ultra stylé. Dessinateur sur un truc ultra stylé, moi je croupis chez moi. Et ma deuxième reco, c'est Seth Rogen qui sort un. Oh, c'était un reco. Vase. Non, pas du tout. Ah, il est en train d'effacer. Il est en train d'effacer. Un vase. Des poteries. C'est marrant parce que, une fois, Seth Rogen, quand il a posté sa photo où il est avec une polaire en train de promener son chien dans une poussette, je me suis dit, encore une fois, moi si j'avais réussi ma vie. Moi je sais, avec Adam Sandler. Je rêve d'être enfin le fait de sortir en short avec des suites dégueulasses. Il y a un style. Qu'est-ce que j'aime cette idée. Je ne suis que jugé quand je le fais, mais moi j'adore. Non, mais t'en es pas loin. Mais là, j'y vais tout doucement. Ah, déjà dégueulasse, habillé dégueulasse déjà. Non, pas du tout, je rigole. Oh, ça va. Non, il sort un podcast qui s'appelle Storytime with Seth Rogen. Et c'est juste, il reçoit des gens qui racontent des anecdotes de leur vie. Et lui, il est là avec eux, et il réagit, et il les relance et tout. Et bah voilà, un sympathique podcast. On aime Seth Rogen, quoi. Voilà. Oh, ici, on l'adore. Il rigole et il parle, donc on est content, quoi. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. En plus, appelé, je rigole et je parle. Après, il filme des ouins. Quand je vois les interviews de lui, à chaque fois. Il fait de la poterie. Et même quand je lis son bouquin, je me dis, oh, ok. Cool. Ah, tu l'as lu, son bouquin ? Ouais. Parce que j'ai écouté. En livre audio, faut l'écouter, je trouve. Parce que c'est lui qui le lit. Non, mais non seulement c'est lui qui fait la narration, mais en plus, quand il y a des personnages secondaires qui interviennent, c'est souvent des gens connus. Non, mais il y a Snoop Dogg à un moment, une anecdote avec Snoop Dogg, c'est Snoop Dogg qui fait sa vraie voix. Ah, excellent. Et il y a de la mise en scène, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il dit, quand j'étais gosse, on était à une soirée, il y a du talent sonore, t'entends le DJ, machin. C'est trop bien, vraiment. Son livre. J'avais prévu d'écouter le résumé d'une IA, mais du coup, pas envie. T'entends le loup, le renard et le DJ, d'ailleurs. Oh, bah dis donc. Pourquoi pas au début, bien sûr. Pourquoi pas. Lucien, tiens. Ah la vache, merde. Je peux passer à Max si jamais. Oui, Max, il est prêt, je crois. Max, moi, j'ai un petit groupe qui s'appelle les Red Hot Chili Peppers. Excellent. Qui, je le rappelle. C'est ça l'odeur. Non, avant j'entendais Lisa parler d'excellentes séries. Et moi, j'ai envie de parler de The Americans. D'accord. Qui est une série incroyable. Et je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne l'a pas vue. Quelle plateforme? C'est sur OBS, je crois. OCS. OBS, c'est autre chose. C'est sur Disney+. Sur Adobe. C'est Disney+. Je vous le dis aussi. Je vous le dis. Écoutez, vous avez l'embarras du choix. C'est excellent. L'avantage, ce que j'aime beaucoup dans cette série, et vraiment, c'est comme ça que je choisis mes séries, c'est dès le premier épisode, tu sais ce que tu vas voir. D'accord. Ouais, du début à la fin. C'est pas genre, non, mais attends, regarde, au cinquième épisode, tu vas comprendre pourquoi c'est ouf. Oui. Ça nous rend dingue. Il faut en regarder 5-6 pour avoir. Oui, bon, bah. Mais j'ai l'impression que ça a changé. Maintenant, le nouveau truc, c'est le premier épisode est ultra patate, et après, tu te fais yège 3-4 épisodes, et après, ça revient. Format Game of Thrones, un peu. Ouais, Squid Game. Et Squid Game, apparemment, c'est ça. Squid Game, le pilote, tu sais ce qui t'attend. J'aime bien, moi. Et par exemple, Casa de Papel, tu regardes le premier épisode, tu nul. Comprends que c'est mal joué, mal réalisé, et tu arrêtes immédiatement. Ça attaque à balles réelles. Moi, Game of Thrones, c'est tu te fais chier toutes les saisons. L'épisode 9 est bien dans chaque saison. Je vous déteste. Vous êtes trop dur. Regardez les gens parler. The Americans, 100% des dragons et tout, c'est trop bien. T'as envie de voir des gens en parler. Mais ça parle de quoi? Je peux faire ma reco. Mais ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Et donc, The Americans, c'est l'histoire d'un couple d'agents soviétiques du KGB qui sont infiltrés aux États-Unis. Et en fait, c'est pas leur origin story, quoi. Ça fait déjà 20 ans qu'ils sont aux États-Unis et ils ont leur vie installée, ils ont des enfants. Et donc, ils ont à la fois des problématiques du quotidien et ils doivent gérer la guerre froide. Voilà. C'est 6 saisons, donc c'est pas du tout, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Mais comme toi, j'ai revu la fin et quelques moments clés plusieurs fois et ça m'a fait chialer à chaque fois. C'est extrêmement bien joué. Alors que c'est des Russes, c'est vous dire. Ouais. Mais ils ont des émotions, mais parce qu'ils ont vécu aux States. C'est vrai. Ils ont appris les émotions. Ils ont appris comment toucher les gens. Mais du coup, c'est bien géré. La plupart des personnages russes sont joués par des Russes, donc tout est très crédible. C'est bien, ouais. Ouais. Et c'est crédible, c'est bien joué, c'est super bien écrit. Oui, c'est le grand méchant. Ouais, trop bien, The Americans. Alors, je sais pas si c'est sur OCS, j'ai l'impression que ça l'est plus. En tout cas, c'est sur Disney+. Voilà, okay. Si vous êtes abonné à Disney+. Et voilà. Mais ne passez pas à côté. Très bien. Lucien ? Ouais, moi j'ai vu Dune. Bah ouais. J'ai trouvé ça chambé. Bah ouais, c'est vachement bien. Voilà. C'est rien le truc raconter. Avec un désert là. Ouais. Mais il y a pas un que. Verre. Et qui est parti un une. Un gros verre. Qui est parti une. Il faut le dire parce que c'est la surprise du début. Ah moi ça m'a énervé. Ah bon. Je voyais pas la fin arriver. Je me suis dit, je vois pas où ça. Bah, c'est écrit première partie au c'est début. C'est lent. Je crois pas. Ah, non. Si, hein. Je crois pas parce que moi aussi pendant le film je me suis dit, ça avance pas vite. Hein, ouais. Ah moi je suis quasiment sûr d'avoir vu première partie. J'ai lu que le tome 1 de Dune d'Herbert et j'ai adoré. Ouais. Mais au fil du film je me suis dit c'est quand marrant. Même pas rapide j'ai vu une projo, moi il y avait écrit partie 1. Ah peut-être je l'ai peut-être loupé. 100% des retours c'était un décevant quand même. Oh non, moi j'ai adoré. Non, moi j'ai vraiment non mais je veux dire le fait que ce soit partie 1 en fait c'est moi je comprends, je pense qu'ils se disent si on avait dit partie 1 on aurait fait 3 fois moins d'entrées parce que tout le monde aurait fait wow, on va attendre que les deux sortent. Ouais je pense, et après Covid avec un film aussi cher. Ouais. Et Denis Villeneuve en interview disait mais moi je voulais tourner les deux en même temps et c'est Warner qui a dit non c'est très cher donc on va déjà sortir le 1. Donc j'ai l'impression que c'est un peu un micmac où il te cache un peu que c'est une partie 1 en espérant. Ouais, tiens la Rigo, non ? Ah tiens la Rigo, ouais. Exactement. Okay, il y a Yolande Moreau et Danny Boone. J'y suis allé pour Zendaya, déçu. Ah oui, ah bah là, j'imagine. Elle apparaît 4 jours de tournage. Et moi, j'y suis allé pour Daniel Auteuil, d'autant plus déçu. Mais littéralement, c'est lui qui faisait l'avion du coup. Ouais, il joue un gars là dans la scène où il y a la bataille là. Non mais ouais, Dune, moi j'ai kiffé. Je trouvais ça très cool. Voilà, c'est pas vraiment une reco parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés le voir. Et sinon, je voulais vous recommander quand même. Une personne qui fait de l'actual play sur internet et qui s'appelle Naëtérion, et qui est une personne vraiment cool et très intéressante et qui fait de l'actual play notamment avec une table. C'est une personne non binaire, d'accord. Donc voilà, et c'est assez rare pour être souligné, bien et sûr. C'est bien d'avoir de l'exposition. Et il y a notamment une entreprise, une petite campagne avec seulement des joueuses autour de la table et au profit pardon, de Women in Games. Donc okay. C'est vraiment génial. Trop bien. Tout dans l'initiative est vraiment cool. C'est, voilà. Donc si vous avez envie de découvrir ce que c'est que le jeu de rôle, il n'y a pas que des gros gars barbus qui mangent du saucisson. Il y a aussi en fait, des tables où il n'y a que des meufs ou tu alors des personnes non binaires. Alors c'est Naetherion, Naetherion. Merci. C'est sur Twitch ? Sur Twitch et sur YouTube, je crois. Oh, ok, ah, voilà. Très bien. Merci. Voilà. Je vais aller et, voir. Bah, et en plus, Yael est venu participer à certains d'accord. trucs de notre D&D Celebration et j'étais très content super. De l'avoir avec ah, nous. Oui. Et on peut dire aux gens d'ailleurs que La Bonne Auberge revient dès ce dimanche. Si vous oui. écoutez ça la semaine de sa sortie, ça arrive incroyable. Dès dimanche. Le dimanche du 7. Oh là là. Oh, et quant à moi, je vous conseille un film qui s'intitule Saint Maud, qui est un film d'horreur, je pense qu'on peut le dire, un film de genre qui est sorti directement en VOD. Et là, je sais qu'il est sur MyCanal en ce moment. Et c'est un film assez flippant, surtout une comédienne très forte. Tout est porté sur l'épaule d'une actrice principale, il y a une deuxième actrice aussi. Et c'est vraiment, c'est pas de l'horreur slasher, c'est pas de la violence gratos, c'est vraiment un truc d'ambiance. Et vraiment, j'ai trouvé ça super cool. Et au cinéma, je vous conseille Boîte Noire, avec un immense frérot d'Adrien Méniel, à savoir Pierre Ninet. Pierre Ninet dans les avions et le suspense pareil m'a vraiment pris J'aimerais qu'il s'intitule tous les films comme ça. Pierre Ninet dans des trucs. Pierre Ninet en Afrique. Pierre Ninet dans les avions. Pierre Ninet le pompiflard. C'est ça. Dans Sauver ou Périr. Non mais voilà, là il est dans c'est un mec qui écoute en gros les boîtes noires, il y a un crash d'avion et son métier c'est d'écouter les boîtes noires pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Les circonstances. Et là c'est vraiment un truc d'enquête vachement bien ficelé. Enfin moi j'étais vraiment crispé à mon siège. Et c'est assez ouf ce qu'il arrive à faire Ninet, parce qu'il est vraiment tout seul quoi. Enfin il repose un peu le film sur ses épaules quoi, sur un truc qui est que de l'audio. Et là c'est vraiment le réel qui est fort, parce que tu pourrais te dire oui bon bah il va écouter des ondes tu vois il va juste pas passionnant mater des ordi. Et non en fait justement, et c'est sans vouloir faire le vieux papy de l'expérience de la salle, là pour le coup c'est vraiment cool au cinéma. Moi je suis allé le voir à 22h un soir, donc presque tout seul, quasiment tout seul. Et bah en fait c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y avait des gens mais qu'ils ont tous fermé grand leur gueule quoi, parce qu'il y avait un truc d'ambiance sonore qui fait que maintenant tu dis rien quoi. Ouais. Et pourtant tu sais, c'est le moment pendant les bandes annonces au début ça tchatchait, et c'est là où t'as un peu peur en disant j'espère qu'ils vont fermer leur gueule. Je vais pas faire pendant la bande annonce, mais j'espère qu'ils vont se taire pendant le film. C'est un peu le chant du loup dans l'avion quand même ou pas? Bah justement pas trop. J'avais un peu peur. Mais justement c'était bien le chant du loup hein. J'imagine que lorsque les gens qui ont fait ce film ont vu le chant du loup, ils ont dû serrer du cul, enfin quand ils ont vu la bande annonce. Mais non c'est vraiment complètement autre chose quoi. D'accord. Parce que c'est vraiment un truc d'enquête après coup. Alors que le chant du loup, c'est plus un truc t'es d'action, dedans, ouais, tu t'es dis dedans. Qu'est-ce qui va se passer. Lui, vraiment, il remonte un fil et c'est vraiment un film d'enquête, en fait, tu vois, avec des fausses pistes, des trucs, des machins. Et bon, moi, j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, je sais que le film fait déjà une belle carrière au ciné, mais n'hésitez pas à aller le voir, un trailer français. En plus, c'est cool quand c'est bien fait. Ah. Ça arrive pas tous les jours. Et l'affiche était super belle. Et l'affiche est très belle. Non, mais c'est. Franchement, tout le film est très beau et vraiment, je vous le conseille. Et on embrasse Pierrot qui nous écoute. Pierrot le frérot. Pierrot le frérot de basket, bien sûr. Dernier tour de table pour l'actualité de chacun. Déjà, l'actualité. Dimanche pour tout le monde. C'est un dimanche sur deux, c'est ça? Ou par mois? Non, c'est un dimanche par mois. Par mois, excuse-moi. Et on essayait de faire le premier dimanche du mois, mais bon, voilà. Ouais, on arrête de le dire parce que c'est plus du c'est tout. Dur le cas. C'est dur de tenir. Bah, on a des emplois du temps, qu'est-ce que vous voulez? Il faut préparer quand même, faut préparer tout ça. Quand ouais, c'est vrai. Mais c'est surtout l'emploi du temps qui. C'est Mais en vérité, c'est marrant parce que. Même quand tu fais des parties en privé, c'est le plus dur de faire un jeu de rôle, c'est de réunir tout le monde autour de la table. C'est vraiment le plus dur. C'est ça, oui, sur une durée en plus pas petite quoi. Bah ouais, c'est au moins une soirée quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Sachant que La Bonne Auberge, c'est aussi issu du Bon Nerd, qui est une chaîne YouTube. On peut en parler aux gens aussi. Tout à fait, oui, bien sûr. Le Bon Nerd, comme ça se prononce sur YouTube, où il y a donc La Bonne Auberge et il y a aussi plein d'autres programmes. Il y a La Bonne Pioche avec Joe Hume, La Bonne Guerre. Tous, j'ai l'impression, participé autour de Tout le monde a été invité à un moment ou à un autre. Donc, voilà. Et voilà, la bonne figue où on peint des figurines, le bon deck avec PV Nova où il joue à Magic. Voilà, il y a plein de choses. Plein de choses à grignoter. Voir. Oh oui, voilà, oui, c'est les un buffet à volonté. Faites-vous plaisir. Voilà, bah, je crois que c'est pas mal. Si vous avez des choses d'actu chacun, on peut parler de ton groupe aussi, Max Knuckle Down. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à streamer ça. C'est quoi, c'est les influences, la musique, c'est du... Eh ben, c'est dans la grande famille du rock. Et pour être plus précis, on mélange du rock des 90s des États-Unis qui s'appelle le grunge. Bien sûr. La scène de Seattle, énorme influence. Et un petit peu plus moderne, du stoner. Donc ça bastonne un petit peu plus. Bien sûr. Et on va sortir de choses. Mais exactement, ça te parle. Évidemment. Et on sort un album de manière dématérialisée, a priori à la fin de l'année. Ah, oh, trop bien, ouais. Bah, génial. Knuckle Down. Ça va arriver lourd. lourd. Merci beaucoup, les amis. On a un enregistrement qui m'a donné la chiasse à un moment, parce qu'on a failli tout perdre. On a cru que c'était perdu. On a eu très peur. Mais ça s'est bien passé. Je fais des bisous et puis on se dit à la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Ciao. Ah non, attends. Oh là, semaine prochaine. Que se passe-t-il ? Ah oui, épisode particulier. C'est un épisode spécial puisque c'est la sortie du Floodcast raconte qu'on a fait. Cela dit, tout le monde est déjà parti. Hein. Je crois qu'on a dit plus ou moins au revoir. Mais revenez. Ils ont vu qu'il restait 3 minutes sur leur lecteur. Je laisserai 3 minutes de silence à la fin. Les gens restent jusqu'à la pub de fin. Ouais, pour qu'on ait tout l'argent. En vrai, moi, je l'écoute à chaque fois, les gars. Merci beaucoup. Donc, c'est le Floodcast raconte qu'on a fait en live au Frames. Et voilà, bah c'est avec Valentin et Aude qui avec Valentin Vincent, Aude Gonigoubert et donc j'en ai entendu Florent et moi. Que du bien. C'était bien, vous vous êtes amusé. On s'est très bien amusé. J'espère que ça amusera les gens. Ça a l'air d'avoir amusé les gens dans le public. Ça a beaucoup ri. Voilà. C'était un super accueil de la part des gens et on a hâte de voilà que tout le monde puisse l'écouter. Carrément. Et ça a enregistré, ça en est sûr. Ça oui, on a écouté. C'est même le son est excellent. Et le son est excellent. Bon bah merci beaucoup tout le monde. Salut. Merci à toi. Ciao. Bye. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.